IKEA. Alors, t'as des nouveaux cours à la rentrée? Ouais, j'ai pris option grec, option latin et option cinéma. T'en dis quoi? J'en dis que, vu l'état de ton bureau, on va aussi prendre l'option rangement. Préparer la rentrée n'est pas une option. Jusqu'au 12 août, l'étagère Kallax blanche 42 par 147 cm est à 45€ au lieu de 54,99€ avec la carte gratuite IKEA Family. Rendez-vous sur IKEA.fr. Il s'agit du flow de cast. Ça pue sa mère! Floodcast! Florent Bernard. Bravo. Adrien Méniel. Bravo, bravo. C'est très très impressionnant. Ah ouais, c'est oui, bonjour, bonsoir. Génial. Direct, t'as vu, on est dans le bain. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode du Floodcast. Je suis Florent Bernard et comme à l'accoutumée, je suis accompagné d'Adrien Méniel. Bonsoir. Wouhou! Tu dis ton nom maintenant, c'est bien? Mais je dis oui parce qu'en fait, comme ça, je nous présente tous les deux en même temps. Ouais, je me bien. Dis comme ça, c'est fait. Des égos. Surdimensionné. Tu vois la dimension d'un ego? Nous c'est beaucoup plus. Ouais, beaucoup plus. Ouais, je visualise. Ouais. Mais nous, nous ne sommes pas tout seuls. Nous sommes également avec un auteur et comédien. On l'a vu sur Vine, sur YouTube, sur Instagram. Il est l'un des derniers à faire du vrai sketch fictionné sur YouTube et jouer le blond, le personnage du blond introverti un peu victime avant que Paul Mirabel ne soit connu. Il est déjà venu plein de fois dans l'émission. C'est toujours c'est un plaisir. C'est Léopold Lemarchand. Ouais. C'était d'un gratuit. J'ai même applaudi donc. Elle a commencé également sur Instagram en faisant des vidéos humoristiques qui ont cartonné, des programmes courts, des story time sur YouTube également où elle racontait ses galères. Aujourd'hui autrice et comédienne, on a pu la voir dans Crénios de JP Zadi, Selon Thomas de Thomas Gijol ou encore la série Cisbro sur TFX. C'est Toku Boogie. Toku Boogie, j'ai oui, ouais, bah voilà, ah, voilà, ah, voilà, ouais. Bah bravo, bah merci. Bah voilà, franchement, oh là là. En antenne, j'ai demandé est-ce qu'il faut dire Toku ou Toku Boogie. Tu m'as dit Toku, mais j'avais écrit déjà Toku Boogie, j'ai tout merdé. Bon, écoutez. C'est pas très grave, c'est fin d'émission pour moi. Bon, merci d'être venu en tout cas. Ben merci. C'est la première fois qu'on te reçoit, mais ça fait super plaisir. Ouais. C'est trop, trop cool. Génial. Tu te sais, tu nous as dit en antenne, tu es une très grande fan de l'émission. Tous les religieusement, tu vois. J'écoute comme ça et puis je m'endors avec ta douce voix. C'est ça. Ton épisode préféré récemment? Alors, je pense que c'était celui de avant-hier. Tu ouais. Sais. Bah, c'est tous les jours. Hein. Bah, ouais. Ça sort quel jour le podcast? Le tu sais. Moi je sais, ouais. Moi c'est ma 7e émission donc. Ah, oui, bah, tu ne sais pas. Bah, si tu le sais, pourquoi tu me le demandes? Tu sais très bien. Voilà. Bien sûr. Et donc comme d'habitude, Toku, évidemment, nous faisons le petit jeu du Floodcast, mm-hmm. Les actus un peu insolites. Alors, par exemple, la première question que j'allais vous poser, savez-vous qui est Peebles? Et c'est un animal. Peebles? Peebles. C'est alors. Un oiseau, certainement? Pas un oiseau. Non, moi je penserais. C'est un petit animal? Alors, c'est un chien, ça a été dit. Oh. Mais c'est plutôt un petit chien. Mais un chien, quelle est la particularité de ce chien? Bah, c'est le plus vieux du monde. Très bonne réponse. Oh, pardon, mais quoi? Les dés sont pipés. Les dés sont c'est un peu plus pipés. Talent, c'est mon seul talent. Alors, c'est un peu une bonne et bonne réponse que ce n'est plus vraiment le il chien mort, le plus vieux du monde, parce qu'il vient de mourir. Alors, tout simplement. Et cette émission lui est dédiée. Peebles est décédé en début de semaine à l'âge de 22 ans. Très vieux pour un chien. Dans le sud-est des États-Unis. Après, mon chien, je pense, va vivre beaucoup plus longtemps. Ouais, 54, hein, je crois. Je pense. C'est parti. Les chiens, ça vit combien de temps de base? Je crois que c'est 15 ans, non? Ouais, pas plus. Hein. Par là, ah ouais, c'est toi? Ouais. C'est pour ça que vous attachez pas. Pas le mien, mais le mien. Oui. Ce sera, mais oui. D'ailleurs, est-ce que les c'est. Les meilleurs parlent plus vite. Hein. Bien sûr. Ouais. C'est de toi, ça. Oui, oui, j'ai. Mais est-ce que ton chien va même mourir? On n'est pas certain de ça. En même temps que moi. Exactement au même moment. Normalement. Elle se laissera mourir à tes côtés, comme ça. Donc, c'est une femelle de la famille des Fox terriers et elle s'alimentait depuis 2012. Elle avait un petit secret durable pour vivre longtemps. De la merde. Elle devait sûrement manger sa merde comme tous les chiens, hein, rappelons-le. Mmh, mmh. Mais elle mangeait un autre type de nourriture. Dans le jeu, à votre avis, lequel? De la bœuf. Non, pas un truc végétal. Non. Tisane le soir. Non. C'est pas des plantes. C'est pas des plantes. Pas des plantes. Donc de la viande. De même de la nourriture pour animal, mais. Aïe, aïe, aïe. Oh. D'une marque particulière? Non, mais pas pour elle en tout cas. De la bouffe pour chat. Très beau. Oh là là, ah mais ouais. Merci. Ah, allez, boum. Un duo, un véritable duo. Je l'ai dit à l'antenne, on s'est cogné le checké, point. Ouais, voilà. il mangeait de la nourriture pour chat, ce qui peut peut-être contribuer à sa longévité. Non. Né le 20. Né, bon, on a la réponse. On a la réponse d'un expert. Je dirais que ça n'a rien à voir, mais. Né le 28 mars 2000 à Long Island. Avec son dès qu'il y a quelqu'un qui vit hyper longtemps. Ils essaient de trouver la raison. C'est ces gens viennent calmement. Eh ben, buvez du vin. Oui, bah comme tous les Français et tout le monde crève à 80 ans. Donc c'est pas du tout ça la raison. Et puis il y a beaucoup de gens qui boivent du vin. Mais dis quelque chose, Léopold. Ouais, non, mais j'allais dire justement que ma grand-mère ne fumait pas, ne buvait pas, elle est morte très très jeune. Quoi, oui, voilà, c'est de ça. Trois cancers, je crois. Non, voilà. Non, l'enterrement, c'était horrible. J'ai jamais autant pleuré de ma vie. Non, c'est vrai. C'est pour de vrai que j'avais gagné. Ouais, non, c'est vrai. Arrête de rire. Parce que pourquoi t'as tant pleuré? Parce que j'ai. En fait. T'avais quel âge? T'avais quel âge? J'avais 15 ans, je crois. Okay. Oh, fragile. Non, mais c'est la première fois que j'étais confronté vraiment à la mort, voilà, quoi, de quelqu'un que j'aimais. Et en fait, le jour de l'enterrement. T'étais proche d'elle? Et bah, justement, pas tant. Mais bon, mais si, en fait, c'était plus la mort en soi, quoi, qui te faisait pleurer que le fait que. Non, mais c'est de la voir vraiment toute blanche. Non, je l'ai pas vu. Voilà, j'ai pas vu. Il a découvert son corps, c'est peut-être ça. Vraiment, tous les vers sortaient, c'était horrible. Horrible. Je comprends que t'es pleuré. Ça m'a fait pleurer, ouais. Non, je pense que t'as pleuré parce que t'as compris que t'allais mourir, toi, je pense. Oh non, non, ça, j'ai fait 10 ans de psychanalyse pour ça. Non, bien pas, avant. Pas à 15 ans. Non. Ah, si, si, si. Vraiment. Non. Mais toi, et... t'es sûr de tout. Et alors, ah, bah alors, je te présente Adrien Méniel. C'est faux. Ah, mais moi, je repère les mensonges, alors là. L'aiguille est dans le rouge. Je t'ai promis, appelle ma mère. De tes 5 à 15 ans, t'as fait. J'appelle ma mère pour qu'elle te confirme. Ta mère. Et donc, le jour de l'enterrement, je me suis rendu compte que j'avais loupé plein de choses avec elle. Ah oui. Et voilà. Et t'as pleuré. J'ai chialé. La mort de mon grand-père, j'ai pas réussi à aller à l'enterrement. Je parlais, j'avais 16-17 ans. Et ah ouais, comme un lâche. Pas voulu, ouais, le gros lâche. Je me suis dit non, non, non. Ouais. Je pense que si j'y vais pas, il est pas mort en vrai. si, il était bien mort. Mais il y a deux ça ans. Va, tu vas le raconter dans tous les floodcasts, putain. Ah, j'avais déjà rencontré. Big Flo et Oli. Ah oui, bah, je suis allé sur sa tombe et ça m'a fait du bien. Et en fait, j'y étais pas allé pendant 10 ans. Oh alors, c'est joli comme histoire, ouais. Tu es retourné sur la tombe. C'est limite Big Flo et Oli en même temps. Ouais. Là, fort. Peu cher de Toulouse. Peu mais cher tu, de Toulouse. Tu pars d'ailleurs du visionnaire, là. Ouais, bien sûr. Il m'en offre souvent des vêtements. Pas. Même pas une chaussette, rien. Mais en même temps. Ils ont même fait des polaires et tout, ils étaient totalement dans mon style vestimentaire. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Rien reçu. Soit disant les fans à Big Flo. Je sais que t'écoutes Big Flo, donc envoie-moi des trucs gratuits. Pour venir à cette petite Peebles qui est décédée, oui, selon un propriétaire, l'autre secret de santé de Peebles résidait dans la toilette de la chienne qu'elle réalisait avec la plus grande attention, a-t-elle confié. Peebles, avec les autres chiens, elle-même, pas quoi. Peut-être, ouais, elle-même. Et Peebles est également, ça Adrien va adorer, une grande amatrice de musique country. Oh ah. Sans doute pour ça qu'elle a, ouais, bien sûr. Bien sûr. Ça adoucit les mœurs, oui. Bien sûr, les mœurs des chiens. Ouais, en bien sûr. C'est ça. En Alsace, on a vu confectionner un plat de 63 kilos. Flamencuche. Et c'est un record qui a été décroché, mais de quoi, quel plat parle-t-on? Est-ce que c'est flamencuche du coup? Ce n'est pas flamencuche. Est-ce que c'est choucroute? Pizza, c'est décevant. C'est choucroute. Ah, c'est une choucroute. Ah, c'est choucroute. Ah, en même temps, l'Alsace, ouais, pardon. L'Alsace, il n'y a pas une norme. Mais on ne joue pas là. Désolé, c'est très facile. Moi, je veux gagner. Ne vous inquiétez pas, il y a beaucoup de questions de prévues. Le record de la plus grande choucroute du monde n'est plus lyonnais, parce qu'il était lyonnais à la base. Ah ouais, ça n'a aucun sens. Et il est devenu Alsacien. Oui, ça là, je suis d'accord. Ça ne veut rien dire. C'est exactement ce que s'est dit Jean-Michel Cluyt, qui s'est lancé dans l'aventure. Il a dit non, mais attendez là, d'où la choucroute, c'est en Lyon, Lyon et au Molo. Déjà qu'ils ont rien. Pour eux, l'Est, si en plus ils ont même pas le record de la plus grosse choucroute. Avoir été nazi, c'est vraiment le seul truc qu'on leur ramène à chaque fois. Ils n'ont même pas eu une date du podcast tournée. Donc au moins la plus grosse choucroute. Une trentaine de bénévoles ont participé à l'événement et toutes les portions ont été vendues avant midi. Se félicite l'initiateur, très fier de l'équipe qui l'a accompagné. Au total, ce sont plus d'une tonne de choux, 200 kilos de pommes de terre, 400 kilos de viande et 5000 knackis. Qui ont été nécessaires pour la préparation. Des knackis. Allez, allez. Ouais. Des soucis, de la marque Knacky ou... J'en sais rien. Peut-être c'est un. Chez Sponso, je pense. Tous ces produits avaient été offerts par des producteurs locaux, donc pas du tout Sponso. Ah oui. Le mieux, l'intégralité des recettes de cette gigantesque choucroute. Le terme gigantesque choucroute. Ouais. Saucisse neuf, la trique. Oh, du coup. Tu me régales. A été reversée à l'association La Fabrique en Rose, qui aide les femmes atteintes du cancer du sein, soit environ 3100 portions à 3 euros pièce. Oh là là. Certains ont même été plus généreux. La dame de l'assaut était tellement heureuse. C'est mignon. Oh là là, c'est l'histoire. Autant c'était nul, mais la fin était. Ouais, c'était larmoyant. Ouais, je sens qu'il y a des émotions. Il a failli pleurer comme une victime. Arrêtez, bordel. Elle est morte d'un cancer du sein, ta grand-mère, ou pas? Entre autres. Non, mais entre autres. Ou un cancer de la choucroute. Même pas le sein, non. Même pas le sein. Même pas. Putain, on en a eu 3 et pas celui-là. Non, j'ai même plus. Non, mais 3 cancers, c'est vrai ou c'est. Non, c'est juste elle a été métastasée à fond. Non, elle a fait un AVC. Mais reparlons-en d'ailleurs. qui a amené le sujet en fait? T'a-t-on forcé? Ça quoi? pose depuis belle, c'est ça qui fait ça, c'est elle. Ce qu'on peut faire, c'est qu'à chaque news, on essaie de la raccrocher à la mort de ta grand-mère. Carrément, on peut tenter ça. Je pense que c'est très facile à faire. Ouais, ouais, ouais. Aux États-Unis, une femme de 70 ans. Bon, Là, on est dedans. Est allée chez son ophtalmo. Ce dernier a été horrifié par ce qu'il a vu. Des verres dans son œil. Pas des verres dans son œil. Mais de quoi souffrait la vieille dame? De cataracte? Pas de cataracte. Un cancer comme la grand-mère de Léo. Non, ce n'est pas ça. Donc son ophtalmo a été horrifié. Ouais, son ophtalmo a fait. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Mais est-ce que c'était un truc à l'œil? C'était un truc à l'œil, okay. Ouais. Un objet coincé dedans. Et c'est pas courant. Il y a un objet, t'as dit? Il y a un objet coincé dedans. Un et iPhone. C'est pas courant. Ce qui est pas courant, c'est que. Un morceau de verre. Une lentille. Alors, c'est presque. Une lentille de couleur? Non, une lentille, de c'est ça. Contact, mais de contact. De contact. Ah, mais de l'autre côté de l'autre côté de l'œil, genre ça avait fait le tour, genre du globe. Non, je vais vous raconter ce qu'elle a fait. En fait, elle les mettait les uns sur les autres. Elle avait des petites jumelles. Elle les enlevait mais pas. Mais comment elle fermait ses paupières? Bah c'est ça. C'est fou, je ferme les yeux. Ton cou vient de vomir dans mon salon. Vraiment, elle a détesté cette histoire. Ah ouais, c'est horrible. Le docteur Katrina Curtiva ne s'attendait pas à sortir de cela de l'œil de sa patiente. Elle a été confrontée à une opération pour le moins exceptionnelle il y a quelques jours. Une femme s'est rendue sur place parce qu'elle ressentait une gêne au niveau de l'œil ainsi qu'une forte baisse de vue. Bah oui. Sans blague. C'est avec une quantité impressionnante. Elle avait 12 corrections les unes sur les autres, ça n'a aucun sens. Alors plus. Oh mais non. Il s'agit d'une trentaine de lentilles de contact oubliées. C'est impossible. Oubliées depuis des années. En fait, ce qui se passait, c'est qu'elle en mettait. Et au bout d'un moment, les lentilles, si tu les enlèves pas, tu vois moins bien, c'est un peu flou, quoi. Ouais. Donc elle les rajoutait par-dessus, quoi. Elle disait, la lentille marche plus, j'en remets une. Oh la vache. Mais ça a pas de sens. Attends, mais elle a pas senti les couches. Genre, je comprends pas. Ah bah si, mais elle croyait que c'est comme ça que ça fonctionnait. Elle croyait que ça faisait des petits. Mais elle était en fait, la lentille, si tu veux, quand t'as des. Moi j'ai des lentilles par exemple, quand tu mets tes lentilles, si tu les laisses longtemps, moi c'est des mensuels, au bout d'un moment, si je les laisse plus d'un mois, effectivement la vue est un peu moins bonne, tu vois, ça s'est un peu détérioré, il peut y avoir de la poussière dessus. Enfin, quand tu les laisses plus d'un mois, normalement tu les enlèves tous les jours. Oui, moi je les enlève tous les jours, mais. Normalement. Par exemple, j'ai déjà oublié mon récipient à lentilles. Donc j'ai dormi avec mes lentilles quelques fois dans ma vie. Le lendemain matin, tu vois flou parce que t'as tes trucs qui sont dans un sale état, quoi. Donc elle, je pense qu'elle les a gardées longtemps, et donc à un moment, elle voyait vraiment plus rien avec ses lentilles, donc elle a dû se dire je rajoute une lentille par dessus, c'est que comme un médicament qui a fait effet, tu vois. Et donc elle les a rajoutés les uns sur les autres. Elle devait se croire que ça c'était elle était un peu dissous, quoi. Ouais, c'est ça. Ça se dissout, elle était pas un peu sénile peut-être. Ah bah en tout cas teubé, oui je pense. Oui, oui, oui. En tout cas c'est pas lui manquer de respect. Elle était pas, ouais, c'est un manque d'éducation, quoi. C'est, on lui a jamais expliqué, je sais pas. Non, c'est... mais c'est bien que ça meure au bout d'un moment, les humains. Si c'est pour faire ça, c'est ridicule. J'étais en Bourgogne, c'est il y a beaucoup de vieux avec des voitures sans permis qui sont dans un horrible état parce qu'elles se font défoncer. Une hérésie, la voiture sans permis, pardon. Mais c'est ce que j'allais dire, c'est-à-dire qu'en fait, il y a que des vieux qui les conduisent, donc tu sais très bien que c'est des vieux à qui on a dit, arrêtez de conduire des vraies voitures. Ou des gens à qui on a retiré le permis. Oui, voilà, c'est ça. Mais là, c'était des vieux, donc il y a d'autant plus le truc. Et des voitures sans permis avec des trucs enfoncés, tu te dis, vraiment, t'es un danger. La portière était enfoncée, c'était horrible. Est-ce que vous avez déjà eu des sales expériences avec des médecins ou des rendez-vous chez le docteur pour des trucs un peu incongrus? Je vais personnellement jamais chez les médecins parce que j'ai peur. T'aimes pas ça? J'ai peur, moi, un peu. Ah, c'est intéressant. Mais t'as peur de... On est sur une complotiste. En fait, déjà, j'ai peur qu'on me diagnostique un cancer alors que je viens pour autre chose. Ah bah, comme la grand-mère. Comme la grand-mère. Je suis désolée, mais là... Tu vois, je viens pour un petit truc. On dit, finalement, vous avez un cancer de la rate. Il vaut mieux le savoir, la flemme. Non, l'ignorance. Mourir. Ah, un peu de déni, quoi, au final. Un petit peu. Un léger. T'aimes le risque. J'aime bien un petit peu. Non, mais moi, je suis d'accord, ça, sur l'ignorance qui t'as l'esprit tranquille. Mais sur la santé, quand ça peut être soigné, moi je préfère savoir. Oui, mais c'est quand que je veux dire, c'est sur les petits trucs du quotidien que tu te vas pas chez le docteur. Mais quand t'as eu des trucs relous, tu t'y allais quand même. J'ai déjà eu des trucs. Ouais, si j'y vais, ouais. Ouais. Ouais, j'y vais, mais je pense pas avoir eu des mauvaises expériences. Oui, déjà si t'y vas rarement, peu de chances que j'ai des. Moi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est pas c'est pas vraiment une mauvaise expérience, mais c'était mon père. Il avait une grosseur au niveau de la gorge. Enfin, il avait la gorge gonflée, quoi. Donc, il est allé chez le médecin. Il lui a dit, c'est une angine. Il lui a filé des médicaments. Et puis, ça continuait. Il est retourné, je crois, voir un autre médecin ou le même. Et il lui a dit, ah non, c'est un cancer. Pardon, je me suis trompé. Désolé. Ah bah zut, merde, la qu'est-ce que je suis con. Oh là là. En même temps, vous venez un vendredi à 16h. Moi, je suis fatigué. J'ai plein de taf. Tiens, alors, c'est marrant parce qu'il y a une question que je me pose. Je suis content que tu abordes ce sujet. Parce que je rêvais de poser cette question. Il va attaquer en justice si le médecin de son père. Le jour où il y a des médecins intelligence artificielle. Vous y allez ou pas? Non, non, moi j'y vais direct. Ouais, si, moi j'y vais aussi. Moi j'y vais direct. Si, en vrai, si, c'est. Pourquoi? Mais. Mais il pourra pas comprendre les nuances de mais la vie. Si, mais en vrai, moi, à chaque fois que je suis médecin, il met Doliprane et puis c'est tout. En fait. Oui, donc, moi, plus ça va, plus je me dis, d'ailleurs, peut-être unpopular opinion, mais médecin généraliste, je pense que ça n'a aucun sens. Genre, d'où ils savent, oui, non, mais d'où ils savent très, tout. C'est très unpopular. Ouais, c'est vrai, il y a c'est quelques vrai. Médecins généralistes qui écoutent le podcast qui vont dire. Non, mais je suis pas d'accord. Je tiens à dire que Toku n'était pas d'accord. Je le dis. Non, non, mais. Vive les médecins, vive la médecine. En vrai. Tous ensemble, voilà. Non mais en vrai, les médecins généralistes, souvent, c'est soit ils te diagnostiquent un truc genre hyper simple, soit ils disent « allez voir un spécialiste bon, ». Mais c'est impossible que... Non mais et souvent, il y a, quand même beaucoup, et l'exemple de mon père, c'est un des exemples, mais dans notre vie, on a tous des exemples où on est allé chez le médecin, bon pas toi parce que tu boycottes. Si, j'en ai un, mais c'est pas pour moi, Mais où il y a des erreurs de diagnostic, où c'est pas du moi, tout j'ai pas le de truc que t'avais. Moi j'en ai pas. Non, t'as pas de médecin traitant, mais tu vas chez le médecin généraliste quand même parfois. Non. Tu ne vas jamais chez le généraliste. Non. Mais en fait, je vais à la pharmacie, moi. Oui, bon. Voilà. Bah merci. Bah voilà. Non, moi je vais à la pharmacie. En je dis j'ai mal à la gorge. Bah, et, va sur Doctissimo carrément, quoi. Bah enfin, non, mais c'est... la pharmacie. Les... Ah donc les pharmaciens non plus, c'est pas des vrais médecins. C'est vraiment n'importe quoi ce podcast. Pas du tout des médecins. C'est vraiment n'importe quoi ce podcast. Ça n'est pas du tout des médecins. Je me barre. Je vais me barrer. Non, non, moi j'avoue, je vais pas chez le médecin. Je vais à la pharmacie, je fais bon, j'ai ci, j'ai ça, ils me donnent des médocs, et puis voilà. Ouais, t'en voilà, avais un généraliste quand t'étais à la campagne, comme ouais, moi. Ouais, c'est ça, c'est avant. Ça. Et quand je suis arrivé à Paris, on me dit, quoi, vous êtes malade, venez en janvier, vu qu'on est en octobre. Mm-hmm, et je fais, du coup, non, on laisse tomber. Déjà, une fois sur deux, quand je vais chez le généraliste, ils me disent, au moment où ils prennent mes coordonnées et tout, ils disent, et alors le moral? Donc je dis, ouais. Et donc, une fois sur deux, dès que j'ai un truc, ils disent, oh, c'est la dépression, ça. Je fais, bon, merde. Ça, c'est vrai. Dès que j'ai un truc. Ouais, ils font ça souvent. Et qu'ils disent, reposez-vous. Ouais. Bah déjà du repos. Voilà, repos, faut se reposer. Puis bon, c'est la dépression. Oui, bon, merde. Voilà. J'écoute le podcast, je me suis baigné. Et surtout, c'est genre, oui, merci. Et du coup, au revoir. C'est, du coup, Oui, il te donne pas ton truc. Et non, mais après, j'ai un peu forcé le trait. Mais je pense quand même que. En tout cas, moi, s'il y a un médecin intelligence artificielle, j'y vais direct. Et pourquoi, du coup, toi, t'y vas pas? C'est mais le rapport que, humain qui te. Bah oui, c'est ça. Ouais. C'est qu'il pourra pas savoir si t'as une petite tache sur le trou de balle, à quoi correspond mais cette tache exacte. Mais non, parce que imagine, elle a cette forme-là. En tout cas, j'aime que tu sois allé directement. Oui, parce que c'est un endroit caché. C'est un endroit. Très... Tu vois, c'est un mais endroit... t'as bien compris l'esprit du floodcast. Tu vois ce que je veux dire? C'est un endroit un peu caché. Et donc, il faudra qu'il sache exactement la nuance. Parce que si la tache est blanche, peut-être que c'est un cancer. L'autre, c'est peut-être une tumeur maligne. Il sera. Vois... Mais non, je pense qu'un robot peut le faire, ça. Hein. Si, pas carrément. Super nuancé, les gars. Si. Écoute, mais un robot peut reconnaître le cul de Daft Punk. Donc, un robot peut reconnaître une tache de trou du cul. Non, mais je pense que ce sera des trucs où tu as. Même si, justement, si l'IA, elle n'arrive pas à déterminer précisément ce que c'est, elle dira, elle dira, bon, là, faut faire une prise de sang en plus ou un truc comme ça, et ça va être ultra efficace. T'es pas en train de dire les robots remplacent les médecins, juste les généralistes. C'est ça que tu dis, en fait. Non, tout. Ah, non, non, non, non, non, là, tu débordes. Bien sûr que si. Tu débordes. Tu prends une IA, tu prends une IA, tu lui donnes. Pour défendre Adrien, il avait dit pareil il y a 20 ans, des caissiers, et regarde. Et on lui disait, tu es fou, Adrien, jamais une machine remplacera un caissier. Tu lui fais analyser des milliards de photos de problèmes de peau, elle est imbattable. Tu lui montres, regardez ce que j'ai, ils vont faire oui, c'est un eczéma, bam, direct. Mais je le rejoins, c'est sûr, rejoins. C'est sûr. Alors que moi je reste sur la réserve. Alors que là, tu vas dire dès que t'as un problème de peau, ils te disent mettez de la cortisone. Oui, forcément, la cortisone ça soigne tout, mais vous savez pas ce que j'ai. Vous ne savez pas ce que j'ai. Il y a des médecins qui mais savent, si, bien sûr, j'ai que ça des problèmes de peau. je suis allé voir 1000 dermatos, à chaque fois ils me disent mettez de la cortisone. Bon, merci, je suis certain qu'un robot aurait sauvé ma grand-mère, c'est sûr. Ouais, bon, 3 cancers quand même, ça fait un peu. Elle l'a cherché, très bon robot. Elle l'a cherché, voire mérité. Non, non, non, non. Pour mais avoir 3 cancers, elle a dû faire des trucs pas ouf. Il sait que oui, il sait que oui. Mais en temps de guerre, je sais pas où elle était, mais. Aux États-Unis, je ne sais et pas. Alors, si... Attends, je voudrais juste faire un dernier, dis-moi. Conclure le truc. Si jamais vous êtes par exemple étudiant en médecine ou médecin et que vous voulez m'envoyer un DM pour discuter de ce que je viens de dire, ne le faites pas, ça ne m'intéresse pas. Je voulais juste le dire. Oui, j'ai sans où. Doute dit des trucs, des aberrations. Hein. Ça ne m'intéresse pas d'en discuter. Par contre, voilà. Une intelligence artificielle, si vous avez contacté. Si une IA veut me parler, ça va être un grand plaisir. Ouais. Ça va être clair. Non mais t'as raison. En plus je pense que aucun médecin n'a été horrifié par tes propos. Aux États-Unis, alors je sais pas si vous savez, mais il existe des voies de route qui sont dites de covoiturage, qui sont réservées aux conducteurs. Il y a un épisode de Curb Your Enthusiasm là-dessus. Exactement, c'est réservé aux voitures qui sont au moins deux dans leur caisse. La voie de gauche là. Exactement. Oui. Bien sûr. Une femme a reçu une amende alors qu'elle était seule dans sa voiture, mais elle le conteste. Elle était enceinte. Très bonne. Mais non, mais non, mais stop. Mais quoi, mais à un moment donné, mais arrête. Yeah. Déjà, mais non, mais déjà qu'on mette une règle, s'il vous plaît. On attend que la question soit terminée pour donner la chance à tout le monde, j'entends, s'il vous plaît. Je prends aucun plaisir. Je suis une intelligence artificielle. Moi non plus. Même les gens qui écoutent prennent aucun plaisir. Je peux rien. Je vais pas. Je suis une intelligence artificielle. Android Méniel. Vous le savez depuis le début. Mais c'est une première que tu réponds autant si vite à toutes les réponses. Toutes bah les après questions. Là, ouais, je sais pas. Non, mais il est en pleine forme. Il est en pleine forme. Oui, je suis. Non, mais rassurez-moi. La contestation, elle n'a pas été prise. Alors, je vais t'expliquer tout. Après, c'est les States. Oui. Hein. Un bon avocat, vrai, il peut tout faire. C'est vrai, c'est vrai. Plus que States, c'est une Texane. Elle s'est défendue en affirmant que le bébé qu'elle portait était son passager. Dans un pays comme les États-Unis, où la question de l'humanisation du fœtus revient sans cesse dans le débat sur l'avortement, cette prise de position n'a rien d'anodin. La femme s'explique. Un agent de police a jeté un coup d'œil et a demandé : y a-t-il quelqu'un d'autre dans la voiture ? J'ai montré mon ventre et j'ai dit : ma petite fille est juste là. Elle est une personne. Il a répondu : non. Il faut qu'il y ait deux personnes dehors du corps. Bah oui, c'est littéralement son passager, hein, son enfant. Alors, justement, elle, il faut savoir que depuis l'annulation très controversée de l'arrêt Roe versus Wade de 1973, qui autorisait l'avortement au Texas, l'État texan reconnaît désormais le statut de personne au fœtus. Oui, mais non. Avant que celui-ci ne naisse. Alors, pour étayer son argumentaire, la future maman a donc renvoyé les autorités à leur contradiction en rappelant que l'État du Texas avait récemment inculpé une femme ayant avorté, considérant justement que son fœtus était une personne. Oui, mais ça n'a rien à voir. Ils sont pro-life. Si, pour le coup, elle a pas tort. Si elle, elle a tort. Non, je suis désolé. Si elle prend la loi au mot. Oui. Elle a aussi raison. Pourri soit voilà. Que soit non, la loi. Aussi pourri que soit la loi, elle a raison. Parce que la loi pour le covoiturage, c'est genre deux personnes qui normalement auraient pris deux voitures. Oui, son bébé, il n'y a pas le choix. C'est vrai. Non, au revoir. Il a gagné. C'est vrai. Mais les médecins sont quand même bons, Adrien. Reparlons un peu de la médecine. Si les flics avaient été une intelligence artificielle, ils auraient dit ça. Ils auraient dit bah non, mais regardez, paf. C'est d'ailleurs une des scènes coupées de Robocop. Robocop, à la base, il fait ça. Non, mais en tout cas, voilà. Et du coup, pour le moment, ce n'est pas encore classé comme affaire. Ça va aller devant la justice. Ça m'énerve. Il n'y a pas besoin qu'il y ait autant de temps pour un truc aussi. Mais ça, c'est très américain. Parce que c'est très logique, je viens d'expliquer la raison. C'est vrai. Non, là, pour le coup, t'as raison. Voilà. Bien sûr. Moi, je lui fais confiance, il a bon à tout depuis le début. Vous êtes déjà allé aux États-Unis, vous ? Non. Ouais. Non ? T'aimerais bien y aller ? Non. Ou pas ? Ah non, ça t'intéresse trop pas ? Trop de médecins là-bas. Ouais, déjà. Non, qu'est-ce qui t'intéresse pas non, dans ce pays ? Je trouve que tout est trop là-bas. Ok. Genre tout est trop les gens sont fous. Il y a des armes partout. Il y a des trucs. Ça me dit rien du tout. Les armes t'effraient, c'est marrant. Ouais. C'est assez difficile. Et la culture, non, la culture du truc t'intéresse pas du tout. De loin. Ouais, c'est ça. Ouais, de loin. Ouais, je peux comprendre. Moi, j'adore les States, mais je comprends. Moi, j'y suis allé deux fois. Dont une fois à un moment de ma vie où vraiment j'étais pas yimbe. Donc du coup, j'ai un. Je mets sur un piédestal un peu le truc. Alors c'était pas si ouf, mais c'est arrivé au bon moment. Donc du coup, la bouffe est vraiment dégueu. Atroce. Ouais, c'est bien ce comment que, ouais. Ça. Oui, mais c'est de la mauvaise bouffe, mais très bonne en fait. C'est ça. Non, je vois pas ce que tu veux dire. Les burgers en fait. Les burgers, c'est pas de la mauvaise bouffe. Bah non, pardon, mais la base, si quand même. Enfin, c'est. Bah faut aller sûrement dans les bons restos. Ouais, ouais. Moi qui ai fait quasiment que des fast-food là-bas. Mais en gros, si tu veux, en gros, la base, tout est gros quoi. Les gobelets, ils sont gros et tout. Enfin, c'est vraiment. Il était mais trop mignon. Et puis alors attends, le small c'est attention, c'est le grand small, ici. Le small là-bas c'est c'est fou. J'y vais dans 6 jours en fait, littéralement. Ah ouais, pour tout ça. Figurez-vous, à Miami. Oh là, pire des villes. Oui. C'est vrai. Oui, j'ai un ami qui vit là-bas, donc du coup je le rejoins, mais c'est pas du tout ma vie préférée. C'est un peu le Saint-Tropez des États-Unis. En termes de beauf et de. Oui, mais en plus il y a un côté un peu crade et les gens, tu peux te faire poignarder et tout quoi. Ah, Saint-Tropez, tu sais, depuis que Saint-Tropez c'est mort. Saint-Tropez c'est très riche et très luxueux. Ouais. Miami, il y a un côté un peu crade quoi. Oui, c'est vrai que moi je parlais plus de la Floride en entier, mais Miami précisément, effectivement. Toi, tu vas. Tu vas crever, Léo. J'y vais essentiellement pour faire. Halloween à Universal. Ah, d'accord. Ça va être trop bien. Oui, les parcs d'attractions, ça pour le coup, c'est. Ouais. Je comprends. Moi, je beauf, mais en même temps, c'est ça que j'aime bien aux États-Unis, c'est que tu peux être un sale beauf. Ouais. Moi, j'adore. Moi, c'est pour ça que quand j'y vais, c'est maillot de basket, short, le look d'Adam Sandler un peu tous les jours pour moi. Moi justement j'aime les États-Unis pour ce que t'as dit, pour le parce que moi les j'aime armes. Pas quand c'est les Glock les couteaux moi j'adore non mais moi j'aime pas quand c'est tiède tu vois, donc là je me régale aux États-Unis c'est tout et les potards sont à 11 sur 10 quoi. On va reparler médecine les amis, j'en suis désolé mais en Italie un homme s'est fait opérer du cerveau pendant 9 heures et pendant ces 9 heures il a dû faire une autre activité. À votre avis, laquelle ? Jouer aux jeux vidéo. Non. Se branler. Vous êtes c'est ce que j'allais dire, purée. Vas-y. Se branler, non ? Bah, c'est pas se branler. Il était allongé pendant cette activité ? Alors, était assis. Il est assis. Oui, parce qu'il faut savoir que opération du cerveau, faut rester éveillé. Donc, il a dû faire un truc. Ouais. Ah, je savais pas ça. Parce que comme justement, je vous expliquerai un peu comment ça fonctionne une fois que vous m'aurez donné la bonne réponse, bien sûr. Il a donné une interview. Non. Il devait jouer un jeu. Non, mais il devait jouer quelque chose. Ah. Une pièce. Non. Jouer. Des chiffres du loto. Non. Il est comédien, ce monsieur ? Pas du tout comédien. Il devait jouer, mais pas un jeu ? Non. Oh là là, il devait jouer un tour à un ami, faire un prank. Non, pas du tout. Ce n'est pas Greg Guillotin qui s'est fait opérer du cerveau. Il jouait la comédie quand même. Non, il jouait pas du tout la comédie. Le verbe, c'est bien joué. Hein. C'est joué, mais il jouait quelque chose. Il jouait. Bah, c'est fou ça. Ou deux quelque chose. Ah, un instrument. Il jouait. À votre avis, lequel ? Saxo. Piano. Très bonne réponse de Léopold. T'allais le dire, de toute façon. Il jouait du saxophone. C'est pas vrai. À la manière du petit saxophoniste de Jean-Jacques Goldman. Et pourquoi ? Alors, justement, je vais tout te raconter. D'abord, endormi, le temps d'accéder à la tumeur. Il faut savoir que les gens qui. Donc, l'inverse de ce que j'ai dit tout à l'heure. Tu vas voir. Ils sont endormis le temps d'ouvrir le crâne et ouvrir tout et faire un petit trou dans la caboche. Et ensuite, les gens qui ont des opérations au cerveau sont réveillés et soumis à des tests moteurs ou de langage. D'accord. Par ce moyen, le chirurgien est capable de connaître immédiatement l'impact du moindre geste sur le cerveau de son patient. Okay. Genre, si tu touches l'œil, qu'un coup il fait. C'est que t'as touché un œil, faut pas toucher. Okay. C'est cette technique qui a été utilisée pour opérer Dan Fabio. Un musicien professionnel résident aux États-Unis. En 2015, alors qu'il est âgé de 25 ans, le jeune homme se trouve pris de vertiges et de nausées. Il se rend à l'hôpital où les médecins lui découvrent une excroissance au niveau du cerveau. Le diagnostic tombe, tumeur. Heureusement, celle-ci se révèle être bénigne et située dans une zone facilement accessible. Mais problème, quand même, la tumeur de Dan est localisée dans une région connue pour jouer un rôle important dans la pratique de la musique. D'accord. Ah. Et il est saxophoniste professionnel. Donc les enjeux de l'opération sont de taille. Si les médecins altèrent cette région en retirant la tumeur, Dan risque de ne plus pouvoir jouer de musique et perdre son emploi. Il touchait un truc, il faisait fausse note. Là, je laisse. C'est presque ça. C'est vraiment Docteur Maboul. Hein. Et du coup, il peut toujours jouer au saxo ou c'est trouvé un autre hobby. Et bah justement, en gros, ils ont demandé à Dan de jouer du saxophone pendant l'opération. Et avec l'aide d'une enseignante en musique, il élabore une série de tests musicaux destinés à évaluer la pratique du jeune homme sur la musique qui sera retenue pour son opération. D'accord. Il a été. Je pense qu'une IA aurait fait. ça suffit! En 30 secondes, elle aurait fait attends, au millimètre près, là, tac, je coupe pile le truc, terminé. Ma grand-mère morte n'aurait rien pu faire, vraiment, elle est. archi morte, donc. Puis elle savait pas faire de sax. Pour lui, quoi. Ouais, elle savait pas faire en de sax, rien. Pas vraiment de talent, non? Regardez Foucault, c'est son plus grand talent. Dan a interprété une mélodie populaire coréenne, ne réclamant que de courtes inspirations. Au cours de l'opération, les médecins vérifient que la zone impliquée dans la musique n'est pas perturbée par les incisions qu'ils réalisent. Et l'opération est un grand succès. Bah, bravo. Il continue sa carrière. Bravo. Tout va faut très en faire bien. Un film. Bravo. Ouais, il sera un peu un Pixar, court, ou... je pense. Un petit court métrage. Ouais, un petit. Un Vine. Un TikTok. Peut-être un TikTok. Cara Lindsay vit dans un van depuis maintenant 4 ans. Elle était interviewée par Insider, un magazine américain. Et dans Insider, elle a donné 5 conseils sur comment faire l'amour dans un van. Je vous demande quels sont ces 5 conseils. Ah, tiens. Ça a un rapport avec l'hygiène ? Alors, il y en a un. C'est cette partie de l'hygiène. Ah, pour la fameuse douche après sexe. Alors voilà, il faut se munir d'objets en particulier. Bah, elle a dit sans doute une bouteille vide pour pisser dedans après le. Alors, il y a ça. Il faut toujours faire pipi après le rapport sexuel pour réduire le risque de contracter une infection urinaire. Bon, ça, c'est absolument. Sexe de manière générale, pas que dans un van. C'est pas que dans un van. Du coup, il faut avoir son jar à pipi à proximité. Voilà. Mais le corps est bien fait parce que j'ai tout le temps envie de pisser après avoir fait l'amour, moi, généralement. Non. Moi, j'ai envie pendant. Moi, ça, je me rappelle plus. Tu te retiens même pas, tu le fais. Non, moi, je suis là tranquille. Bah, et ça a donné ta merveilleuse enfant. Bah, ouais. Comme quoi, faites-le, hein, parce que c'est. Je suis le professeur Raoult de la baise. Donc, il y en a un. Donc, ça, pisser après. Mais est-ce que les conseils qu'elle a donnés, c'est vraiment un rapport avec un van ou c'est comme il a dit, des trucs hyper généraux? Non. Bah, si, elle a dit la jarre à proximité. Ah oui, la jarre. Il faut penser à avoir la jarre à proximité. Oui, Jérôme Jarre d'ailleurs. Jérôme Jarre. Il dit I love, it is love. Les gens, tu crois que les gens ont encore Jérôme Jarre? Je sais ou pas, mais bon, après, je suis pas une rêve de ringard près. Hein. Jarre Jarre Pisse. Oh ouais, elle est bien. Elle est bien. Le titre. Oui, bien sûr. J'imagine camoufler les vitres, quoi. Les... Alors effectivement, mettre des rideaux plutôt. Mettre le frein. Oh, après, moi, c'est mettre le frein à main. Il y a ça, il y a ça. Elle l'a pas dit, mais moi, je te suis là-dessus. Oh, furieux. Bah, après, mais... moi, j'ai un camtar, donc je suis avantagé là. Non, mais... c'est vrai. Mais alors, je baisse pas dedans, je dors dedans. Donc. Faut les rideaux et il faut aussi, elle précise, rester sur des terrains du service forestier ou des zones de camping. D'accord. Voilà. Ça, ce qui est, oui, de toute façon, pour garer son van. Ne pas être en pente. Ah, mettre le frein à main, ouais. Je l'ai dit. Ah, pardon. Entre-ouvrir une fenêtre, peut-être. Non. Ça le dit pas pareil, être en pente, elle en parle pas spécialement. Non. Après, j'imagine que c'est plus lié à la baise spécifiquement. Les trucs. Faire avec quelqu'un qu'on apprécie. Demander le consentement. Oui, voilà. S'assurer du consentement, ce genre de choses. Jouir. Loin d'habitation, peut-être. Hein? Se garer loin d'habitation. Non, ça, elle a l'air plutôt à la cool avec ça. Non, il y avait un truc d'hygiène à un moment, vous cherchiez autour de l'hygiène. Avoir des lingettes pour se. Et pas n'importe lesquelles, elle conseille les lingettes pour bébé. Bien sûr. Exactement. Ah oui, un classique. Pour nettoyer, effectivement, la boîte de jazz, comme dirait Audrey Piron. La boîte à bonheur. Des lingettes pour bébé, il y en a encore. Mange ce putain de oui, chocolat. Oui, je le mange, je le mange. Faut savoir qu'Adrien a ramené. Tu me gaffes comme une oie. On enregistre à 16h, à l'heure du goûter, et Adrien a ramené des pains au chocolat et personne n'en a voulu. Allez, je vais en prendre. Allez. Moi j'ai goûté, ils sont assez bons. Ils sont bons, hein. Assez bons, s'il te plaît. Ils sont délicieux. Très bien. Tout bonnement. Mais ça a le goût des pains au chocolat normaux. Bien sûr. Oui, parce que c'est des pains au chocolat vegan. Mais alors, il faut savoir, généralement, les pains au chocolat, ce qui fait qu'ils sont pas vegan, c'est qu'ils sont genre. Y a de l'œuf. Ils brillent. Non, mais il y a de l'œuf, ils sont dessus. Mais sinon, c'est la même. C'est du pain, quoi. Donc, bon, bref. Du pain béni à mes yeux. Mais chocolat au lait, c'est pas dit que du chocolat au lait? Je suis pas sûr, non, je pense pas. Okay. Oh là là, il nous a régalé. Oh, petit pépère. Petit pépère. Bon, non, je sais dire, c'est l'énormité. On a dit trois trucs là. Ouais, il en reste deux. Il en reste deux. Un truc de position. La levrette. La levrette. C'en est une, mais c'est pas un conseil là pour le coup. Ah non, non. Bah, non, mais ça aurait pu être privilégié à levrette. Non. Bah, non. Ouais, t'as pas beaucoup d'amplitude en hauteur. C'est ça, et donc elle conseille de rester allongé. Voilà, sur le côté même. Tu sais, un peu en cuillère ou machin, parce que si tu commences à faire cowgirl ou truc comme ça, tu peux faire cogner. Un missionnaire. Bah oui, voilà, normal. C'est juste c'est un conseil ça. On le fait tous. Ça dépend de ton van. Quand tu dis tous, tu parles de qui là? Non, mais ceux qui baissent quoi. J'entends. Non, mais c'est pas un conseil, c'est juste du bon sens quoi. Ne faites pas une position qui fait que vous allez vous taper la tête contre le. Oui, bah merci. Non, mais elle précise encore plus de dire faites des positions où vous avez genté une des épaules sur le matelas quoi, tu vois, être plutôt vraiment un rat du matelas quoi. Oui, mais bon. Les vannes c'est vraiment si exigu que ça? Bah ça, apparemment c'est assez exigu. C'est une connerie. Oui. Bon, écoutez, vous verrez avec Kaya Lindsay, hein, moi je suis pas son avocat. Je vous laisse voir avec elle. Et alors le dernier il est assez logique. Pour le coup c'est un bon conseil, je trouve. Ah ok. Ah, mais donc vraiment spécifique, van plus baise. C'est ça. Ok. Van plus baise égale cœur. Van plus. Ah le de pas le faire, de faire au milieu du van, sinon ça va niquer les. Ah t'es pas loin, c'est pas ça, c'est pas abîmer la voiture. Ne pas être à l'avant. C'est un truc de position effectivement. Un truc d'équilibre. Ouais un peu. Non, donc ne pas le faire en roulant. Si, pas le faire sur l'étage. Oui, alors, Assurez-vous que quelqu'un d'autre est là pour conduire. Au cas où. Léopold était pas loin. Pour pas niquer les suspensions quoi. C'est pas pour pas abîmer la voiture, mais c'est en rapport avec les suspensions. Est-ce qu'il y a pas de un pas truc... sauter, de pas faire de trucs où tu sautes ou ça. Waouh. Ah, c'est peut-être pour clairement ça, je ne saute pas moi, mais après je suis peut-être un peu. Qu'elle dit sur le côté, c'est peut-être un peu pour que le mouvement. On y est, Adrien. C'est quoi? Non, c'est peut-être pour ça qu'elle dit qu'il faut se mettre sur le côté. C'est pour que le mouvement il soit de côté et pas de bas en haut pour. Je vais te donner la réponse. Pour faire low rider. Après, ça fait un petit. Oui, ça fait un petit rebondissement. C'est sympa. Ça fait un peu le. Ouais, mais est-ce qu'il y a pas moyen? Ouais. Est-ce qu'il y a pas moyen que ça fasse un contre rebond? Sinon, t'es grillé. Et tu te casses le pénis. Les gens dehors vont voir que tu baises. Je pense pas que c'est grillé. Je pense que t'as des nœuds. Non, mais en vrai, c'est possible. Casser le pénis comme Samuel Umtiti d'ailleurs. Ah non, c'est la démarche. T'as confondu. J'ai confondu le pénis et la démarche. Non. Excusez-moi. Toutes nos excuses à ce moment-là. Ah bon sang. Pardon. Positionnez-vous et votre. On a perdu Toku. Positionnez-vous et votre partenaire dans le sens de la longueur dans la camionnette pour réduire les balancements et les secousses parce que ça peut te donner la nausée. Tout simplement. Les véhicules tremblent davantage si vous les balancez d'un côté à l'autre plutôt que d'avant en arrière. Voilà. D'accord. Eh oui, bah donc si ça veut baiser dans un. T'as peut-être des auditeurs qui nous écoutent dans un van actuellement. Mais alors, pardon, je suis désolé. Hein. Mais une IA remplacerait ce van. Si tu te mets dans le sens de la longueur et que tu te baises sur le côté, tu vas basculer la voiture. Tes mouvements, ils sont pas dans le sens de la longueur. Donc, oui, ces deux trucs se contredisent. Peut-être c'est là ou l'autre. Après, j'ai traduit ça de l'anglais. Peut-être j'ai rien compris. Non, c'est pas tout compris. Mais effectivement, une IA, je te rejoins, une IA aurait donné de bien meilleurs conseils. De toute façon, une IA présenterait bien mieux le floodcast que moi. Ça suffit. Mais ce serait pas le paradis. Dans deux ans, c'est une IA qui fait tout et on engrange la dune. Et vous faites la promo d'autres IA dans l'émission. Sûr. Évidemment. Mais j'avais vu un truc récemment, pardon, je passe du coq à l'âne, mais il y a... Vous voyez qui c'est le... Ah putain, je vais oublier son nom. C'est pas DJ... DJ Abdel. Khaled. Non, le DJ... du rêve bien moins ringarde que la même. Merci. Non, c'était DJ... Cop, non, je sais pas. Corps. Non, celui qui est devenu handicapé. Pone. Et ben récemment, donc lui il parlait parce qu'il donc c'était un DJ qui avait une maladie qui fait que vraiment il est handicapé moteur et il peut plus parler, rien. Il peut plus bouger. Il est tétraplégique. Il a appelé un gars qui l'imite et le Marc-Antoine Lebré, je sais pas si vous voyez cet imitateur. Ok. Et en gros il sait imiter le gars et il l'imite vraiment bien parce que c'est un imitateur et en gros il a refait la voix qu'il avait à la base en clignant des yeux qu'il le faisait parler à sa place. Et du coup, il retrouve un peu sa voix. Et donc, pour sa femme et ses enfants, c'est trop bien. Parce qu'ils ont retrouvé un peu la voix du gars qui a cet imitateur. Et en gros, Marc-Antoine Lebray a enregistré des milliers, je pense, de mots pour que ça fonctionne et machin et tout. Oh, et j'ai trouvé ça très stylé. C'est génial. Voilà. Alors, juste une fois, une IA fait un travail excellent. Non, mais tu sais qu'il y a un logiciel, je crois que c'est pas encore adapté à la langue française, mais il y a un logiciel qui s'appelle Descript. Et il y a plein de gens qui font des podcasts qui l'utilisent. C'est en fait, tu balances un enregistrement. Ça te retranscrit tout ce qui a été dit, même s'il y a des voix qui se chevauchent et tout, en texte. Et après, tu prends le texte et tu modifies le texte et ça te change l'audio directement. Ah, c'est ouf! C'est-à-dire que si à un moment, t'as dit j'ai voté Zemmour et tu fais oh non, je me suis trompé! Tu remplaces dans le texte, tu mets Mélenchon et ta et voix dit. Ah, c'était ouf! Ah, c'est plein de gens qui l'utilisent pour. En fait, ils font pas du montage, ils utilisent ça, ils font au moins toute cette partie, ça dégage et tout. T'as trop bien! Trop bien! Tu peux même changer. Bon, après, c'est. Ouais, tu peux faire dire ce que tu veux à n'importe qui. Il y a aussi de ça. À Noka Ramen and Bar aux USA. À Noka Ramen and Bar. J'ai pas très bien mis la virgule au bon endroit. Oui. Je t'en veux personnellement. Des serveurs ont sauvé une femme d'une agression, mais ces serveurs avaient une particularité. À votre avis, laquelle? Ils étaient nains. Non, pas aveugles. Non. Ils étaient des singes. Ils étaient odieux là. Non, ils étaient justement. C'était pas des humains. Concept de bar c'est où, des humains. Où ils sont odieux. Et odieux. On en a parlé. C'était en Australie. Ouais. C'est le Karen et où les serveurs sont odieux. Non, là, ils ont vraiment sauvé une femme d'une agression, donc ils sont plutôt sympas. Oui. Mais le fait est que le concept de là où. Ah, c'est des convicts, c'est des. Comment ça s'appelle? Des. Prisonniers? Ouais, c'est des ex-colards. Non. Ils s'étaient déguisés en quelque chose. Musique. Alors, on s'approche, ils étaient déguisés. En clones, animaux, c'était pas des clones. Pas en animaux. En célébrité? Pas en célébrité. En homme politique? En femme. Halloween? C'est pas par rapport à Halloween. Ils étaient déguisés en Halloween. Oui, non. Pour Halloween, quoi. Ils étaient déguisés. Le concept du bar, c'est genre tout le monde est déguisé en. C'est ça. Truc, c'est même le concept du bar. Dinosaure. Est inspiré de quelque chose. Elvis Presley. Pas Elvis Presley. Un film. Pas les dinosaures. Pas un film. Star Wars, mais on est dans un. Non. Mais on est dans un truc de pop culture. Seigneur des Anneaux. Non. C'est pas un film. D'accord. Il y a eu un film, mais c'est d'abord une série. Non. Une série? Mais il y a eu des films, mais c'est d'abord des séries. Friends. Non. Arrête de me pointer du doigt, je vais devenir fou. Alors, un truc où il y a aurait trouvé significatif. Déjà. Une série ou culte. C'est culte, c'est totalement culte comme série. C'est totalement culte, c'est un peu. Rick et Morty, alors. Grey's Anatomy. Pas Grey's Anatomy. Ils vendent des ramen dans un bar, donc c'est un truc un peu. En animé, Naruto. Alors, pas en animé, mais on est dans Squid un. Squid Game. Non, pas Squid Game. Est-ce que c'est raciste d'avoir dit ça? Non, je sais pas. En Corée, ils mangent des ramen, non? Alors là, c'est un restaurant tenu par des Thaïlandais. Supprime ça. Ah, ok. Faut qu'on appelle l'IA pour ça. Ça n'a rien à voir avec la Thaïlande de la série. Non, c'est-à-dire que c'est. Ni les ramen, j'imagine. C'est inspiré d'une série très populaire en Asie. Voilà. Mais là, tu as dit Squid Game, c'est une série récente. Là, on parle d'une série d'il y a quelques années. Ah, ça, je. Mais c'est une série asiatique? À la base, oui, mais nous, en France, on la connaît avec un autre nom. Ah! Wow. Ah la vache! Attends, plutôt une série pour enfants. Une série pour enfants asiatique, c'est un dessin animé? C'est pas un dessin animé, c'était avec des vrais acteurs. Mais Teletubbies ? Non. Non, tu dis qu'on la connaît sous un autre nom. Ouais. Genre ça a été adapté ou c'est juste un autre nom ? Si je vous donne nom. Plus d'indices, malheureusement, je vous donne un peu la bonne réponse. Mais juste parce que oui ou non, ça a été adapté, oui ou non ? Non, c'est pas une adaptation. Ils reprenaient des extraits. Le truc de la vache là, le non, c'est pas ça. Non, que putain. Tu racontes, le truc de non, de la vache si non. Le truc. C'est un AVC comme la grand-mère. Non, attends, c'est une série ou c'est une émission de jeu? Une vache? Oui, le truc dont tu parles, c'est une série moi, ou pas? Ah, tu parles de Takeshi's Castle, toi? Moi, je veux savoir, non, qu'est-ce qu'est la vache? Non, je veux plus en parler. Ah, bon ah, Interville, c'est ça que tu voulais dire? Ah, par vachette. Rapport à Takeshi's Castle? Oui, non, d'accord, top à la vachette. Non, c'est pas par rapport à Interville. Dis quelque chose, une... Léo. En fait. Bah attends, mais j'en sais rien. Non, mais là, t'es là. Je connais pas les mangas et tout, moi, en plus. C'est pas du tout des mangas racistes. Je n'en sais rien, dis-le. Non, on va trouver, c'est facile je pense. C'est une série donc, asiatique qui s'appelait quoi, Super Sentai. Ah, Bioman. Voilà, Bioman. Ah, mais, oui, mais non, France, mais on a moins de 30 ans, c'est normal. C'est ouais, Power Rangers. Ah, ah la vache. Mais attends, merde. Pardon, mais Power Rangers c'est américain. Oui, bah c'est aux États-Unis que ça se passe. Oui, mais, donc, mais c'est France... pas un truc japonais. Si, Super Sentai. Super, en gros. Power Rangers, c'est américain. Non. Bah non, les inconnus, quand ils ont parodié, c'était. Bah c'était Bioman. Ils étaient d'ailleurs. D'ailleurs, pas en pain. Ouais, le pain en jaune. Oui, non, bah oui. Power Rangers, Adrien, pour reprendre, parce que là je te vois, là, tu essaies de débunker. Ouais. Ils prenaient des extraits des Power combats. Rangers non, est une franchise de médias américaine. Quel connard, je le déteste. Laisse-moi terminer. C'est pas que c'est inspiré. Ils reprenaient les combats. C'est pour ça qu'ils se déguisaient, les Power Rangers. Les combats venaient de Super Sentai, qui était une série japonaise. Et autour de ces combats, c'était des Américains qui jouaient la comédie. D'accord. Mais les combats venaient de Super Sentai. J'étais fan de Power Rangers, Adrien. Je suis allé voir le film au cinéma. Adrien, tu aimes juste être en désaccord avec les gens. C'est tout ce que tu veux. Tu es le Alain Finkielkraut du podcast, Adrien. Les Power Rangers sont adaptés des séries japonaises Super Sentai. Bah voilà, c'est ce qu'ils viennent de dire. Producteurs... Oui, mais non. Les producteurs américains rachetant les droits d'utilisation des images et les costumes. Mais les Super Sentai, les images. Super Sentai, c'est pas une série, c'est un style. Bon. Genre ouais. Bioman, c'est un Sentai. Super Sentai. Non, tu mens. Oh bordel. Écoute, je suis sur la page Wikipédia. Super Sentai, souvent abrégé en Sentai, sont un ensemble de séries télévisées japonaises pour enfants. Écoutez, voilà. J'ai raison. Fans. Là, par contre, si vous voulez envoyer des DM à Florent, vous avez raison, vous pouvez. Si vous êtes des IA seulement. Non, bah écoutez, en tout cas, moi j'avais souvenir que les combats étaient dans les séries japonaises et que autour ils tournaient les histoires avec les acteurs américains. Tout ce que vous venez d'entendre est faux. S'il y a des fans, des gens qui s'y connaissent, non mais je serais ravi. Fumer fait tousser avec Jérôme Niel. Pour, oui, c'est vrai, bah, oui, c'est un peu un Sentai, promo. C'est eh oui, avec JP Zadi, Jérôme Niel, Greg Ludic. Sentai étant un style de série et non pas. Non mais n'hésitez pas à le dire sur l'Insta du Floodcast, pas mon Insta c'est perso. C'est vrai, parce qu'en plus on pourra le lire tous les deux. C'est ça, on a lancé un Instagram du Floodcast, FloodcastPod sur Instagram. Vous lisez vraiment les DM Sur ce compte-là, oui. Ah oui. Oui, bien sûr. Mais il me semblait en tout cas que c'était des images japonaises reprises et qui tournaient autour. Donc est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort, n'hésitez pas à me dire. Voilà, les gens de France 5, ils ont racheté les droits. Donc pour vous raconter quand même l'histoire de ce qui s'est passé à la base au Noka Ramen and Bar, le restaurant de ramen dont le thème est oui. Les Power Rangers. Donc, trop marrant. Voilà. Les gens sont allés se battre. Exactement, ils se sont jetés sur l'agresseur déguisé en Power Rangers. Mais incroyable. Donc ils ont commencé à le balayer, le mec a balancé. Oui, ils sont forts en baston. Oui, ils savent. Ils sont juste jetés sur lui. Incroyable. Le mec a balancé des insultes racistes. Ça pas ouf parce que comment dans le podcast on est vraiment contre parce qu'ils ont pas la tête cachée. Ils ont le costume du Power Rangers mais on voit leur tête quand même. Mais ce qui s'est passé c'est que tous les clients s'y sont mis. Ah oui. Et donc, là on est sur un pugilat et là ouais, clairement là ça se fait pas. Il y avait 10 personnes qui se sont mis sur le gars, après, qui l'ont mentionné. C'est vrai. Exactement. Donc on s'en fout en fait. Et c'est ça, qu'ils l'ont chopé et qu'ils l'ont tenu au sol jusqu'à ce que la police arrive. Donc au final ça s'est plutôt bien fini. Est-ce que vous êtes déjà battu dans votre vie? Assez Toku, peu. Est-ce que toi tu... Ah oui. Oh, c'est un oui de j'ai bourlingué. Ah ouais, tu m'avais raconté, ouais. C'est vrai. Raconté. Ouais, tu m'avais déjà raconté. Tu peux nous raconter une petite. Mais en fait, non, on pourra pas le diffuser. Mais si, mais tu m'avais raconté avec. Bon, on verra plus tard. Ouais. Ok, yes. C'est avec quelqu'un de connu, malheureusement. Est-ce que toi, t'as une histoire de combat que t'as le droit de raconter? Non, franchement, rien de fou. La plupart du temps, quand je me battais, c'était vers le lycée, les trucs nuls comme ça. Mais pour quelle raison, si c'était pas indiscret? Oh, c'est des trucs pourris, vraiment. Tu m'as regardé, je t'ai regardé, tu ne. C'est bref en fait, ouais. C'est... Bam, bam, ouais, c'est c'était aussi simple que ça. Boum, boum, patate, patate. On s'arrête là, tu vois. Rien de fou. J'ai l'impression que tu gagnais souvent dans la façon dont je le dis. Franchement, mi figue, mi raisin. Hein. Je me suis fait casser la gueule pas mal de fois aussi. Ah oui, d'accord. Okay. Ouais. Toi, Adrien ? Pas depuis. Non, en tant qu'adulte, je pense que je me suis jamais battu, moi. Ouais. Moi non plus, adulte, je pense pas. Hein. Ouais, ça s'est arrêté au lycée. Ouais, moi, je crois que la dernière fois que je me suis battu, mais c'est un truc que j'avais déjà raconté, mais c'était genre en colo. Ouais. Ouais, non, me raconte. En fait, quand j'avais 14 ans, ma mère voulait que j'aille en colo. Et moi, je disais, non, j'ai pas du tout envie d'aller en colo. Tu t'es battu avec ta mère? elle est morte de ça. Il a... Coup de poing à la tempe, hélas. Je voulais absolument pas aller en colo parce que j'étais pas très sociable déjà à l'époque. Et elle m'a dit, bon, mais tu vas en colo une fois et si ça te plaît pas, t'y retournes plus. Donc je vais en colo, c'est un fiasco, je me fais pas de potes, c'est horrible, bon, je passe un très mauvais moment. Elle m'appelle le soir, elle dit « Alors, comment ça se passe ?» Et je dis « Bah, c'est horrible. » Ah bon, t'es sûr ? Oui, oui. Donc bon, ça devait être horrible pour elle aussi, évidemment. Et en plus, je me suis battu contre un mec et je suis revenu avec un coca. En plus de... Quelle était la raison de la bagarre, tu sais plus ? Nul, je sais plus. Je sais une gonzesse encore. Bon. Encore les meufs, toujours les meufs. J'aurais aimé que ce soit au moins une problématique dans mon champ des possibles, mais pas du tout. Pas du tout. Non, il t'avait pas rendu une carte Pokémon et puis voilà, t'as pété un câble. Non, je sais plus. C'était un truc de merde. Ouais. En fait, je crois que j'étais un peu... J'étais vraiment le loser de la colo, quoi. Oui, j'avais repéré un gars en me disant... Mais parce que tu parlais beaucoup de IA et tout ça ? Non, pas à l'époque, c'est malheureusement. Ouais. Mais le gars était médecin général, ouais, c'est pas voilà. Depuis, ouais, c'est pour ça que j'ai une petite... Non, et je pense que j'avais repéré un gars en me disant... Lui, potentiellement, ça peut être plus un loser que moi. Ah, et du coup, on la connaît, cette technique. Je pense que j'avais essayé de faire un peu l'alpha. Oui, bien comme sûr. Comme dans les prisons, le en fait, on s'était... Et on s'était... on avait fini par se battre. Enfin, genre, je lui avais mis un coup de poing, il m'avait mis un coup de poing et ça s'était arrêté là. C'est très drôle parce que moi, la seule fois de ma vie où j'ai amorcé une baston, moi je me faisais tabasser à l'école, mais je me battais pas, je me faisais tabasser, tu vois. Ouais, mais la fois la fois où je me suis battu, c'est vrai, toi aussi, entre guillemets, ouais. Mais non. C'était exactement la même chose qu'Adrien. C'est-à-dire qu'il y avait un gars qui avait l'air encore moins cool que moi et je me suis dit, lui, si je l'emmerde. Les gens ils vont arrêter de m'emmerder, ils vont l'emmerder lui. Vous êtes une bande de lâches. Ah oui, terrible, catastrophe. Alors vous aurez dû vous allier pour les méchants. Ça c'est dans un film. Ça ne marche pas, arrêtez vous. Ça c'est dans un film de maman, j'ai raté l'avion. Parce que votre technique a marché, ta technique ça a marché. Ça a foiré aussi. Si je l'avais battu, ouais, ça aurait bien marché. C'est ça en fait, ils auraient été de l'emmerder lui par contre, parce qu'il a gagné en fait. En plus, tu t'es fait tabasser. Bah oui, donc t'es encore descendu d'un cran comme moi. Pareil que moi. Moi j'étais un loser, mais avec un signe visible sur le visage du fait que je m'étais fait en plus tabasser par un mec. Enfin, tabasser. Non, mais en plus, nous on s'était pas vraiment. Oui, voilà, c'est ça, tu tires les vêtements et on essaie de mettre des béquilles. Oui, en plus, ça devait être nul comme baston. Comme la mienne quoi. C'est nul à chier. C'est horrible à regarder. C'est du tirage de t-shirt, tu vois. Tu lâches mon t-shirt. Tes bastons, c'était Sentai peut-être. Tu faisais du karaté. Tu faisais du karaté, Toku. T'as dit des patates, vous êtes tiré les cheveux, vous êtes griffé. Du karaté au cou d'ailleurs. T'es une karaté au cou pour moi. Oh, bien joué. Ah ouais, bah écoutez, je me régale. Bravo, c'était la blague nulle du jour. Merci. Non, t'inquiète pas, il y en a d'autres. Ça arrive. D'autres qui arrivent. Et donc en plus, j'étais rentré de la colo avec un cocard et ma mère était du coup. Mais moi, elle a culpabilisé à fond quoi. Mais le cocard, à la limite, ça veut dire on s'est vraiment battu. Oui, t'as vraiment mis un Moi, il n'y avait coup, pas de coup, c'était juste les cheveux, les t-shirts nuls quoi. En fait, j'ai mis un coup de poing, m'en a remis un, et j'ai fait oula. C'est très douloureux. Ça doit être la. On va arrêter peut-être là. Peut-être la seule grande. C'est hyper désagréable. Non, mais c'était peut-être la première et seule. Enfin, le premier et seul coup de poing que je me suis pris de ma vie en fait. Et j'ai fait ah. J'aurais adoré que tu réagisses. C'est nul. Arrêtons comme... là. Arrêtons là. Comme Léo, vraiment que tu réagisses. Bah enfin. Ouais. Quelle idée. Mais c'est. C'est une hérésie, on va arrêter là tout de suite. Mais pourquoi faire ça? Ah oui, d'accord. Ah, excusez-moi. C'est ça que je viens de te faire là à l'instant. Ah oui, bah pardon. T'en mort. Oh là là. Mollo l'astico. Mollo. Oh la vache. Ouais. Donc ça doit être, ouais, mais. Après, évidemment, en primaire, je me battais tout le temps. Ah ouais, non, mais moi même mais, pas. Ah ouais, moi en primaire, je me battais beaucoup. Ah ouais. Mais. C'est boule de nerf. Ouais, un peu, ouais. Non, moi c'était vraiment c'est ce que je voulais raconter, c'était non seulement la baston était nulle, mais je sais pas si t'avais ça aussi Toku, c'est après il y a les avant ça pardon, il y a le elle vient soit on se bat. Il y avait un espèce de truc de. Oui, les rendez-vous après on l'école. On va pas tout de suite se taper. C'est hey, à 18h là, quand on sort du tu cours. Tu restes au lycée jusqu'à la dernière minute pour pas te battre. C'est ça, exactement. Et après le cours de Monsieur Gauthier, après le cours de philo là, et je te jure, on se met sur la gueule. Et donc ça commençait, tu vois, la rumeur commençait à se répandre. Et il y avait une foule pour regarder alors qu'on était deux nuls. Et d'un coup, t'avais la pression de. Bah là, faut qu'on se batte vraiment, il y a du public, genre. Il y a du public, c'est horrible. Et Mais estime-toi heureux qu'il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque. Ah ouais. Il y aurait des vidéos de toi en train de te battre comme un nulard. Il dirait, hey, regardez rêve, là, le mec qui a coécrit Jack Mimoune qui est en salle au moment où je parle, allez le regarder. Regardez comme il se bastonnait comme un nulard. Et je me souviens pour la petite histoire, j'avais fait des pompes la veille alors que j'avais jamais fait de pompes de ma vie. Je m'étais dit, ok, demain je me bats, ouais. Faut que je fasse des pompes. Mais bien sûr. Parce que là, faut que les couilles soient bien, bien fortes. C'est horrible. Allez, c'est minable. C'est les couilles, minable. Je me dis, mais quel non, rapport les avec les couilles. Les couilles avec PS. Léo, tu t'es déjà battu toi? Bah, regarde-moi. C'est quelqu'un qui sortait du sport de cours de PS. Et j'avais des taches rouges. Ah, tu es donc quelqu'un, quelqu'un qui me harcelait beaucoup. Là, c'était vraiment la goutte d'eau. Il m'a dit vanille fraise et je l'ai pris extrêmement mal. Soit vanille fraise, il avait les peaux parce que j'étais blanc avec des taches rouges, quoi. Donc vanille fraise. On dirait les fausses insultes qu'inventent les racistes pour dire les blancs, ils se font aussi. Oui, c'est exactement. Face de craie. C'est exactement ce à quoi je pensais. Il m'a appelé feuille de sopalin. Bah, je me sentais opprimé, pardon. Voilà. Le racisme anti-blanc existe, d'accord. Non, c'est faux, c'est faux. Là mais j'en pense pas moins hein. Attention. Et donc du coup je lui ai mis une droite et, ah oui quand même direct ouais. Ah bah comme moi. Et j'avais pris une heure de colle alors que. Et lui rien du tout. Voilà. Ah. Bah, en même temps il t'a juste dit Fanny Fraise. Ouais. Un peu aussi Léo. Oui bah ça crée des traumas profonds. Bah, après cela dit tu dis que t'étais. Toi t'en sais rien Toku. Mais moi je suis merde. Tu sais pas ce que c'est l'oppression. Et maintenant qu'il a pu vivre. Et maintenant ils m'ont dit Psartek la coupe parce que je t'ai fait couper les cheveux. Il est incroyable. Et maintenant j'ai fait 3 cours de boxe. Oh pour, enfin, moi j'ai envie de m'y mettre. Et alors moi j'ai arrêté parce que j'ai des lunettes. Mets 30 paires de lentilles à et la place. Et du coup, je dois enlever mes lunettes, mais du coup, bah, je suis très facilement. Ah oui, oui, tu vois flou. T'as une grosse correction. Ouais. Ouais, ouais. Je peux essayer. Quasi aveugle. Ouais, vas-y. Attention, là, pendant ce temps-là, Adrien, essaye les lunettes de Léo. Ah ouais, c'est pas mal. Oh là là. Oh, putain, tu ressembles à un prof d'Harry Potter. Ah ouais, mais c'est incroyable. Bonjour, les Wingardium Leviosa. Je ressens pas un nazi plutôt avec. Également, également. Tu ressembles à un photographe sur Instagram qui a l'impression qu'il fait des chefs-d'œuvre alors que pas du tout. Tu veux dire un photographe sur Instagram? Ouais. Je fais des photos pas si mal. D'ailleurs, faudra qu'on prenne une photo. Ah oui, c'est vrai, faudra qu'on y on pense. On va encore oublier. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais rebondir sur son histoire, mais j'ai oublié. Bon, on s'arrête là, non? Bah, c'est pas grave, écoute. Ouais, on était en train de parler de son oppression. Ouais, ouais, bien sûr. En tant que racisme anti-blanc, c'est ça que tu voulais dire? Exactement. Non, je voulais parler de choses, mais j'ai oublié. Une allergie particulièrement fâcheuse pour quelqu'un va. C'est pas moi, je jure. C'est pas moi, c'est pas moi. Insupportable. Ah, putain, mais Léo! Je suis navré. D'ailleurs, vous êtes plus team silencieux ou gardez. Silencieux. Ah, ouais, silence. Aussi, hein. Tout le monde. Ouais, ça dépend. Tout le monde a parlé. Aurel, ça a eu son alarme. J'ai la semaine dernière, t'as rien dit. Hein. Si. On a dit Aurel. Je l'ai clashé pendant. On l'a pas mis, mais je l'ai. C'est vrai. J'ai fait un 16 où je l'ai clashé. Adrien s'est lancé dans un 16 où il clashait Aurel San et Aurel a dit oh non, le diffusez pas, ça va ruiner ma carrière. Parce qu'il a pleuré. Donc voilà, c'est te dire, on a vraiment osé. Il a dit ah, c'est pas marrant. Non, je voulais rebondir sur la boxe parce que moi j'ai fait un peu de boxe. Ce en quoi j'étais nul à la boxe, c'est que pour t'entraîner, faut se souvenir des coups. Tu sais, pour t'entraîner, c'est genre gauche-droite, esquive-gauche, esquive-droite, machin, crochet et tout. Et ça, nul à chier. Tu t'en es pris une belle, quoi. En fait, je me suis pris, mais pas qu'une, je me prenais tout le temps des coups dans la gueule parce que je confondais ma gauche. Tu sais, faut te souvenir de l'enchaînement. Donc, d'un coup, au lieu de faire esquive, tu veux mettre un crochet, du coup, tu te prends le coup du gars. Ouais. Et au bout d'un moment, beaucoup trop insultant pour moi. T'avais quel âge à ce moment? Oh, j'avais 26 ans. Ah, oui, je pense, c'est récent. Non, c'est ça. Et en fait, moi, je voulais juste taper, en fait. Enfin, tu vois, me défouler et du coup, pas du tout esquiver. Et donc, je me prenais des coups dans la gueule, ce qui m'énervait encore plus. Ouais. T'avais le petit pas le sac, mais la petite boule là, qu'on achetait à Decathlon là. Ouais, c'est bien génial, sûr. Ça. Bien sûr, bien sûr. C'est quoi, cette petite boule? Bah, c'est un punching ball, mais juste une boule en haut d'une tige. C'est comme Rocky, t'es le tac tac tac tac tac tac tac tac tac. Vous venez pas de ça? Si, bien sûr. Ah, alors tu vois, t'as un truc dans la bouche, non? J'étais en train de manger, c'est pour ça que je parlais pas. Une allergie particulièrement fâcheuse toucherait un millier de personnes rien qu'aux États-Unis, sans compter tous les cas non déclarés. De quelle allergie parle-t-on? L'oxygène. Non, c'est une allergie effectivement un petit peu insolite. Genre, ah ouais, dis donc, bien quelque chose qui est partout qui est, pas partout. D'accord. La table fait du bruit de fou, non? C'est pas grave, ça, oui, ça a toujours été le cas. On l'entend pas. Quand on l'a fait bouger. Alors. Volontairement. C'est un peu insolite. C'est un peu insolite. Ça se mange? Alors, ça peut se manger, mais c'est bon. Pas le sperme. Alors. C'est une bonne réponse. J'allais dire mais je le connais. Non, ça peut se manger. Ouais, bon, bah, c'est du sperme, Florent. Ouais, oh, écoutez, ah, ça ouais, va. Je déçois ça sur la cyprine. Le Jean-Marie Bigard, là, du podcast. Oui, ça peut se manger. Le syndrome de la maladie post-orgasmique, SMPO, toucherait un millier de personnes rien qu'aux États-Unis. J'ai vu une interview sur ça, je crois. Ce qui irait consulter en raison d'éternuement survient après un orgasme. C'est exactement ce que nous dit ce docteur. Ce syndrome concerne presque uniquement des hommes qui ont déclaré attaqué de symptômes. Allergiques à leur propre sperme. C'est ça, semblable à ceux d'un rhume des foins ou d'une grippe après quasiment chaque éjaculation. Je comprends oh, bah, plus ça serait... Pic de fatigue, démangeaison au niveau des yeux, nez encombré et problème de mémoire. Bon là c'est vraiment Ne jouissez pas sur votre propre visage, peut-être. En fait, c'est... Mais là ils sont plus allergiques à l'orgasme qu'au sperme en soi, enfin, non c'est... apparemment c'est vraiment le sperme. Les symptômes se déclarent généralement quelques secondes après l'orgasme, mais chez certains patients ils ne surviennent que quelques heures plus tard. La maladie dure ensuite 2 à 7 jours. Celle-ci, encore très peu étudiée par le milieu scientifique, vient de faire l'objet d'une étude. Ouais, j'avoue, putain, je serais... Oh là là, la c'est cher payé, mais tu es de temps en temps, une petite allergie de 7 jours, c'est pour jouir, pourquoi qu'est-ce pas. Qu'est-ce que dans le sperme rend allergique? Alors justement, j'y viens. On manque encore beaucoup d'éléments en raison du petit nombre de personnes touchées. Les causes du SMPO semblent avoir été identifiées, ils résulteraient d'une forme d'hypersensibilité liée à un élément contenu dans le sperme. La plupart des individus concernés ont en effet subi des tests cutanés qui se sont avérés positifs. Ces personnes sont donc allergiques à leur propre semence. Selon quelques membres de la communauté scientifique, cela pourrait être lié au fait que le sperme ne contient que la moitié du matériel génétique présent dans les autres cellules et provoquerait pour cette raison une réponse immunitaire différente. Voilà. Vous avez goûté vos spermes, vous? Oui. Pas moi. C'est vrai? Ouais. Et ça a quel goût? C'est pas fou. Ça a le goût de l'odeur en fait, en vrai, un peu. Hein. Ouais, c'est. Oui, c'est vraiment toi, ce à quoi tu t'attends. Bah ouais, c'est ça. Pas déçu, moi, franchement. Bah, ni déçu, ni surpris agréablement, quoi. Tu fais, oui, bah voilà. Oui, ça, ouais, j'ai pas pris un verre, non. Au petit déj. Et avec ta tartine Nutella, un grand verre de sperme. Je me suis dit, si tu peux attendre que ta partenaire le fasse, la moindre des choses, c'est au moins de goûter. C'est vrai, c'est vrai. J'ai goûté. Même quand il jute, il est déconstruit. C'est un vrai mec. Non, moi j'ai jamais goûté. Non, jamais. Ça ne m'intéresse pas. Après, je ne le réclame pas aux gens non plus. Je réclame rien. Non, non, mais je veux dire, je ne fais pas. C'est un petit plus. Personne n'a goûté mon sperme, c'est ce que je veux dire. Ni moi, ni personne. Peut-être. Une ou deux personnes. Ouais. Allez. Mais c'est un truc qui m'intéresse pas du tout. Mais t'as essayé de te sucer? Non, mais ça m'intéresse non plus. Oh, toi, t'as essayé pour de vrai? Non. Léo! Si, dans une baignoire. T'étais quoi? T'étais assis? Non, je sais que c'est impossible, je suis très peu souple. C'est... Mais t'étais assis? Même pas, t'as jamais tenté. Excuse-moi. Mais j'ai essayé, merde! Bah alors, dis-nous en plus! La question n'était pas est-ce que c'est impossible? Mais non, mais je peux pas dire ça! Non, mais tu l'as dit dans le podcast qu'on a coupé déjà et qui n'a. Enfin, non, qui a pas enregistré, tu l'avais dit déjà. Non, mais t'as essayé quand t'étais jeune. Ouais, putain. Oui, mais j'étais très jeune. Dans une baignoire là. Non, la baignoire c'est moi qui avais dit. Ah oui, c'est toi. Que... Non, moi je l'ai pas fait, j'ai pas essayé. Si. Non. J'avais lu. Je pense que si. Bon, allez, faut pas que je sois seul là-dessus quand même. Non, je pense que t'es un peu seul aussi. Non, mais Adrien, t'as essayé de te sucer. Je pense que. Quand allez, Adrien. Mais en vrai, je pense que j'aurais. J'ai déjà. Il a mimé le geste, hein, je le dis quand même. Non, mais tenter pour voir si c'était possible, mais je pense pas que je l'aurais fait. Vous connaissez l'histoire de Marilyn Manson? Et si, imaginons que tu te serais baissé et que ça s'aurait touché comme ça. Non, je pense que j'aurais pas fait. Un petit bisou esquimau. Un petit bisou esquimau. Même pas un petit. Bah, peut-être oui, pour prouver le truc, tu vois, peut-être un contact. Comme sur le museau d'un chien. Voilà. Ou le crâne de Barthez. Laissez mon chien en dehors de ça, s'il vous plaît. Non, d'un chien, j'ai dit. Oui, mais oui. Non, ton chat t'a sucé. Oh my God. Je me suis mis du beurre de cacahuète sur la bite. Elle s'est régalée, moi aussi. C'est donnant. Oui, de la boue pour chat, plutôt. Il vivra longtemps. Ouais, oh, non, mais j'avais essayé, mais j'avais c'est lu. Faux, j'avais lu, et je sais que ça fait un peu l'excuse du gars qui dit « Oh, j'ai lu, mais j'ai vraiment qui, lu. Allez. » De se mettre sur une baignoire dans laquelle tu mets du savon. De sperme au moment où tu... Et tu glisses sur looping, le côté. Et tu fais des loopings looping comme à Walibi. Non, et tu glisses sur le côté, tu sais, là, tu vois comment c'est à une baignoire, tu sais, c'est comme ça, quoi. Et donc, sur le côté, du coup, tu rapproches tout doucement tes fesses de ton corps. C'est un truc de dessin animé. Et du coup, le pénis se rapproche de la bouche. Et du coup, voilà, et tu peux être rapproché comme ça. Mais non, tu te prends les dans le cul. Mais je ne sais pas, je vous dis ce que j'ai lu. Là, c'est vraiment un truc de dessin animé, quoi. Tu as testé cette. Non, j'ai pas du tout testé, non. J'avais pas de baignoire. Tu trouves un très grand étau, tu te mets dedans, tu fermes l'étau et ta bite va. N'importe tu quoi, Samuel c'est un truc de cartoon. Non, mais c'est, je vous dis, c'est ce que j'avais lu sur internet. J'avais pas essayé de le faire, mais je l'avais googlisé. C'était sur ton forum de. C'était sur ton forum de Tarantino. De Tarantino, exactement. Et Marilyn Manson, vous connaissez. Et toi, Léo, t'as histoire, fait comment, du coup? Enlevé deux côtes. Mais non, mais moi, c'est. Mais c'est faux, vrai, bien sûr. Ça ou pas? Non, j'y crois pas. J'y crois moyen, moi, ce truc-là. Non. J'ai essayé et à l'époque j'étais plus souple que maintenant. Là, aujourd'hui c'est impossible, j'essaie même pas, mais j'avais réussi à embrasser ma bite. C'est vrai? Mais ça, c'est donc classe. Il y a bien le bisou esquimau. Le bisou esquimau. Bisou esquimau, c'est avec le nez. Là c'était avec la bouche. Oui, t'as fait un smack. Mais je pouvais embrasser, mais c'était un peu décevant parce que je pouvais pas mettre la langue. Donc du coup, c'était vraiment juste je l'embrassais quoi. Voilà, c'était chaste au final. Mais c'est si mignon quelque part. T'embrasses-tu? Non, mais le matin tu lui dis bonjour, salut toi. Ce qui me choque, c'est que je suis seul à assumer là autour de cette table. Ah non, je l'ai vraiment. Il a dit qu'il mangeait son sperme, c'est pas mal déjà. Ouais, c'est déjà pas mal. Il a dit mangeait son sperme. J'ai goûté une fois. Si on met en arrière, c'est exactement il ce que tu as dit. Je mangeais mon sperme pendant que mon chien me suçait. Il a dit cette phrase. Bon, je tiens à préciser que je l'ai fait une fois parce que ça me faisait très mal au dos quand même. C'est ça. Ça n'en vaut pas la chandelle. Une scoliose, au moins. Minimum. RIP, scoliose d'ailleurs, il est mort récemment. Scoliose. Wow. Ah, je l'avais pas. C'est bon. Ah oui, toco raté, scoliose. C'est génial là, vraiment. Alors, ce qui m'amène à cette question, si vous étiez atteint de cette allergie, je me tire une balle. Qu'est-ce que vous feriez? Non, parce que justement, je vous partage le témoignage d'un homme de 27 ans en bonne santé qui a découvert qu'il avait ça et n'ayant pas trouvé de réponse auprès des spécialistes consultés, il a fini par renoncer à toute vie sexuelle, y compris avec lui-même. Ah ouais. Et cet homme a également abandonné l'idée d'être en couple, ne pouvant supporter l'idée d'une relation amoureuse dépourvue de relation sexuelle. Non, il a une vie presque de monastère depuis qu'il a découvert qu'il était allergique à ça. Mais lui, il a... Ouais, non, mais t'allais dire un truc? Non, pas intéressant. Parce que tu peux être en couple. Enfin, je veux dire, il y a autre chose dans la vie de couple que le sexe. Exactement, quoi. C'est ce qui m'amène à cette question. Est-ce que vous feriez autant si vous étiez allergique à votre propre orgasme? Je pense qu'il a une vision des femmes peut-être un peu réductrice. Remarque, il est peut-être pas hétéro, cela dit. Ouais. Mais une vision du couple un peu réductrice, quoi. C'est ça. Peut-être il y a autre chose que le sexe dans un couple, quoi. Peut-être. Mais moi, ouais, j'arrive pas à comprendre cette allergie. Ouais. C'est genre si, oui, si tu te jouis dessus pas, ou. En fait, c'est si quoi, tu jouis dans la bouche de Léo quand il suçait, là. Quand il s'est bien régalé de son propre sperme. Avec sa grande dame à côté. Allez. C'est ça qui l'a tué, Léo, tu comprends? Elle a appris, elle est rentrée, elle t'a vu, c'est pour ça que t'as tant pleuré. Elle était en parfaite santé, elle a vu la chair de sa chair. Avec sa propre bite jusqu'aux couilles. Ça peut plus être coupé, sinon il manque la moitié de l'émission. Non. Allez, vas-y. J'ai du mal à comprendre cette allergie. Donc, si jamais ils éjaculent genre sur une feuille de sopalin, ils ont quand même cette réaction. Ouais, je suis d'accord. Parce que je capte pas le comment. Le sperme est en eux à la base. Mais ça chauffe le bout de la bite et du coup c'est je sais pas. Non mais ils disent. Oui, éternuement. Le pollen. Le pollen, c'est en toi aussi. Tu l'inspires, donc ça rentre dans ton nez. Est-ce qu'il n'y a pas un truc pareil? Non, mais justement, ce que je dis, c'est que le sperme, il apparaît pas comme par magie. Il est dans tes couilles, je veux dire. Donc, si t'es allergique au sperme, tu l'es, t'es en réaction allergique tout le temps, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est étrange. Comme si t'avais du pollen dans les couilles et t'es allergique au pollen, bah tu éternues, enfin, je sais pas. Tout le temps, oui, moi, il y a un truc qui est bizarre là-dedans. Du pollen dans les couilles. Fake news, je pense. Du pollen dans les couilles, un album d'Alain Bachung. Non, je suis d'accord, c'est un peu. Mais est-ce que vous, est-ce que vous étiez né à plus avoir d'orgasme, est-ce que vous, enfin, que les orgasmes vous mettent dans cet état-là? Parce que moi, j'ai aussi un peu un truc de, moi, j'ai des fois des petites allergies. C'est relou à vivre. Ouais, mais c'est pas un truc de fou. Mais voilà, non je vais plus, pas quand il y a du pollen, ouais. Je ne reste pas enfermé chez moi en disant oh, il y a du pollen dehors, ouais. Je vais renifler. Bah, ouais. Non, là tu. Du coup, je pense que avant chaque relation, tu pèses. Est-ce que la personne mérite cette allergie, une semaine d'allergie, ouais, voilà. Quoi. Spoiler. Donc, oui, moi. même deux semaines d'allergie. Elle veut de moi, oui, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ça vaut toutes les allergies du monde. Toi, Léo. Je sais pas. Ouais, c'est relou quand même. J'y crois pas vraiment en fait, donc du coup. Non, mais on imagine. Je peux pas te dire. Oui, bah. Ça consiste à croire aux fake news qu'il a pas vérifié. Je le ferai une fois par mois, je pense, moi. Oui, ouais. Voilà, quand même, histoire de dire. Une fois par mois. Putain, on voit que t'as pas un gosse, toi. Oui. Ou t'es pas moi, juge-moi. Et toi, Toku, tu pourrais ou pas? Non. Ah ouais, non? Non. Tu pourrais. Faire une croix sur tout, non, tu non. préfères être allergique. Ouais, franchement, c'est pas un truc de fou. Oui, en mode, c'est pas dingue, t'éternues. Je suis cloué au lit et puis. Ouais. Oui. Tu l'as dit, il y en a, ils perdent carrément la mémoire, je vois pas le rapport. Ça, c'est l'extrême de l'extrême, oui, quoi. Je pense que là, vraiment. Ouais. Ah, c'est une grosse réaction allergique. Ouais, je comprends. J'avais même pas que c'était lié à l'allergie. C'est des mythos, je pense. C'est des mecs qui se sont fait choper en train de se branler dans la rue. Ils ont fait, je me rappelle de rien, je suis allergique au sperme. Oui, bien sûr. Ils ont pas de problème du tout. Désolé, je. Cela dit, moi, je crois, mais je te vois, tu me dis, je suis allergique. Je te crois, oui, voilà, je fais, oh, ça doit, il peut pas l'inventer, visiblement. Et il y en a combien tant de gens comme ça? Quelques milliers. Des milliers, hein, apparemment. Ouais. Rien qu'aux États-Unis. Ouais, et encore une fois, sans compter les gens qui ne sont pas déclarés. Ouais. Tu vois. Mais là, justement, l'organisme médical, là, j'ai zappé le nom, ils vont commencer à s'y intéresser. Putain. Mais il n'existe pas de traitement officiel, mais la prise quotidienne de certains antihistaminiques semble pourtant aider, réduire les effets. Ah bah voilà, je prendrais ça, moi. Voilà, la fexofénadine. Mais attention, parce que ça endort les antihistaminiques. Donc il faut vraiment. Ça fait beaucoup de paramètres à gérer. Quoi. Ouais. Mmh. Si, alors, déjà qu'après avoir fait l'amour, moi, c'est oui, tu très t'endors. Envie de dormir. Si en plus je prends des antihistaminiques, bah, ça me demandait beaucoup. Une japonaise s'est fait extorquer 30 000 euros par un homme qui lui promettait monts et merveilles. Pour qui s'est-il fait passer? Un mec. Une célébrité? Mmh. Alors, pas une célébrité. Un homme d'affaires? Pas un homme d'affaires. Une personne décédée? Non, pas une personne décédée. La grand-mère un héritier? De... Hein un héritier? Pas un héritier. Enfin, Une personne qu'elle connaît. Elle ne le connaissait pas, non. Ça s'est fait via Instagram. Il se fait passer par une. Non. Il s'est pas fait passer par quelqu'un qu'elle connaissait. Un mourant, un prince. Non, qui demande de l'argent pour sortir d'un pays. Oui, non, c'est pas ça. Tout se fait par mail ou c'est physique? Tout s'est fait par MP Insta, dis-toi. Ah bah un simple mail qui proposait un iPhone. Le CPF. Un influenceur. Pas un influenceur. Thibaut InShape. Non. C'était pas Squeezie. Il lui demandait de participer au GP. C'est pas une célébrité, hein, t'as dit. Hein. C'est pas une célébrité. Pas une célébrité, non. Mais quelqu'un qui avait de la valeur aux yeux de cette femme d'une manière ou d'une autre? Non. Ah ouais? Non. Une enfant? Pas une enfant, non. Non. Non, mais bien trouvé. Mais pas une enfant. Se faisait l'arnaqueur passer. De Tinder. Non. J'y pensais. Pour une personne, il y a un côté surnaturel ou pas? Pas du tout. Il a pas dit je suis Dieu par exemple? Non. Et j'ai un compte Insta. Je viens de le créer là. Je suis Dieu officiel. Un pasteur? Pas un pasteur. Un prêtre? Non. Mais on est sur un corps de métier. D'accord. T'as dit c'est pas un homme d'affaires? Pas un médecin, pas un homme d'affaires. Une IA de médecin? Hein? Une IA médecin? Non, pas une IA. Un médecin. Mentaliste? Pas mal. Ah, mais en vrai, hein? Pas bête, un mentaliste. Mais attends, quelqu'un qui voit l'avenir? Non. Comment on dit? Est-ce que c'est un métier qui a un lien avec le fait qu'il pouvait lui faire gagner de l'argent? Pas du tout. Oula, alors attends. Un métier qui fait rêver un peu. Ok. En tout cas, moi, ça me fait rêver. Après, je suis un grand enfant. Un astronaute. Très bonne réponse. Un astronaute. Il s'est fait passer pour un cosmonaute russe. Oui, parce que différence entre astronaute et cosmonaute, évidemment, Adrien. Alors je sais plus. Je sais que les Russes disent cosmonaute. Je crois qu'en français on dit spationaute. C'est cosmonaute, c'est chez les Russes. Voilà. Parce que je sais qu'il y a astronaute, cosmonaute, spationaute, et que ça dépend du pays. Les cosmonautes, c'est ceux qui jouent de la trompette dans l'espace. Du sax. C'est ces mecs-là. Thomas Pesquet, notre frérot. Du coup, non. Non, c'est pas. Il est pas russe. La victime aurait été contactée par cet homme sur Instagram. Il lui aurait raconté qu'il travaillait à bord de la Station Spatiale Internationale, l'ISS. De nombreuses photos de l'ISS étant postées sur son compte, la sexagénaire a cru à son histoire. Mais évidemment, oh my god! Ah oui, voilà, t'as oublié de préciser qu'elle était très vieille. Elle a évidemment. Cela dit, sexagénaire, c'est pas. Très vieux pour moi. C'est 60 ans, c'est pas non plus. C'est vrai. Ça reste trop vieux pour Yann Moix, par exemple. Ah bah, oui. La discussion continue et leur relation évolue rapidement. Le soi-disant cosmonaute en vient même à demander la japonaise en mariage. « Je veux commencer une vie au Japon », lui écrit-il avant de lui annoncer qu'il souhaiterait revenir sur Terre pour la voir. Mais pour cela, l'homme affirme avoir besoin d'argent. Non mais quand même, attendez les gars. Ils sont passés par Insta, évidemment. Non, mais attends, il lui explique qu'il souhaite acheter une fusée pour pouvoir se rendre au Japon et la rencontrer. Car il est actuellement sur l'ISS. Évidemment. C'est horrible. Il l'a même pas eu sur FaceTime où je sais pas, il a eu un fond vert, il a mis l'espace derrière lui. Tu peux me croire. FaceTime, c'est sans doute pas utiliser FaceTime. Cela dit, elle est sur Insta déjà. C'est pas si oui, mal. Ouais. Pour voir des la sexagénaire aurait alors accepté de l'aider et lui aurait versé un total de 4,4 millions de yens, soit 31 000 euros. Oui. Mais elle aurait fini par avoir des doutes car son interlocuteur ne cesserait à lui demander de plus en plus d'argent. La femme a alors décidé d'alerter la police japonaise et qui a ouvert une enquête. Franchement, j'ai pas le wifi dans la fusée là, il me faut encore 10 000 balles. Mais pour sérieusement, faire installer le wifi. C'est vraiment. C'est un tiers du prix de la fusée, c'est en 3G, là. Hyper gros comme truc, c'est mais hyper mais... gros. Alors ça me ramène à une autre. Arnaque qui avait eu lieu en France. Et là Adrien, je te demande de ne pas participer parce qu'on l'avait fait dans un podcast qui n'avait pas enregistré. Oh. C'est un escroc qui s'était fait passer pour quelqu'un de connu et qui avait volé 5000 euros à une fan. Et je vous demande, quelqu'un de connu. Lequel... Un footballeur. Pas un footballeur. Un rappeur. Non, pas un rappeur. Et pareil, il avait estorqué plutôt une vieille. Hein. C'est pas Malik Bentala qui est à l'affiche de Jack Mimoun qui est en salle. En non, mais je suis content que t'en parles. Ce n'est pas non plus Jérôme Commandeur, François Damiens ou même Joséphine Japy, quatuor de comédien dans le film Jack Mimoun, en ce moment dans les salles. Un homme politique. Pas un homme politique. Attends. C'est une star pour les vieux. Tu t'en souviens, Adrien ? Johnny Hallyday. Ah, je. Non, ouais. Mais. Pas Johnny Hallyday, mais on est dans les. Non, je serais décédé. Ah bah oui, merde. Ouais. Un chanteur. Un chanteur. Francky Vincent. Moi, non. Le restaurant, tu veux dire ? Oui. Non. Non, c'est Franck Michael, tu voulais dire, oui, je pense. Franck Michael, oui, rien mais à voir. Mais ça aurait pu être Francky Vincent. Non, mais là, c'est pas Francky Vincent, c'est pas Franck Michael. Eddie Mitchell. Pas Eddie Mitchell, mais on est. Là, tu tournes autour. On est dans les vieilles canailles. On est pas... C'est pas Jacques Dutronc. Ah. C'est pas. C'est cette génération. Il y a qui encore ? De cette France, même, j'ai envie de dire. Cette France. Ah, la France. Ah, la France. Je me rappelle plus. Ah ouais ? Oh, pourtant, ouais. C'est une vedette du. Alors, tu peux jouer. Non, non, mais après, parce que. Mais je non, mais on peut par... trouver. Non, mais là, on peut y aller de toute façon. On réponse. A dit que c'est pas un chanteur, c'est si, ça ? Si, si, c'est un chanteur. Ah, c'est un chanteur. C'est un chanteur. C'est un chanteur, ce n'est pas Johnny. C'est une canaille. C'est un peu une vieille canaille. C'est un peu. C'est un crooner. Un gars à l'ancienne. Qui d'ailleurs a un peu de mal avec cette époque. Ah, Sardou. C'est Michel Sardou. Ah, Michel Sardou. Eh oui, femme des années 80, les paroles ah, du Sardou. Ah, ça y est, ça me revient. Oui. Une habitante de Mâcon en Saône-et-Loire vient d'être victime d'une arnaque assez spéciale. Elle a été contactée, pareil, sur Instagram. Apparemment, c'est vraiment l'endroit. C'est, des... voilà, c'est le nouveau Facebook, quoi. C'est ça. À force de présenter, l'escroc a réussi à faire croire à cette fan de la première qu'il s'agissait bien du chanteur. Photo de la carte d'identité, du lieu de vie. L'escroc a tout mis en place dans son stratagème pour berner une fan déjà conquise. C'est-à-dire qu'il a envoyé une photo de la carte d'identité de Michel Sardou, donc j'imagine Michel Sardou qui prouve en disant regarde ma carte d'identité, c'est moi, c'est Michel. Oh my God. L'histoire d'amour virtuel débute, sauf que pour vivre au grand jour leur histoire, Michel Sardou doit divorcer. Hélas, malgré ses millions de disques vendus, Michel Sardou est fauché, c'est ce qu'essaye de faire croire le gars évidemment. Oh là là. Il a donc besoin de 5000 euros pour lancer la procédure en de divorce. Déjà là c'est un peu plus fin, hein. c'est un peu plus peaufiné. Oui, mais en fait pour une c'est bonne pas, arnaque, j'ai besoin d'une fusée. Ouais, là, c'est oui, pas... mais une bonne arnaque, il faut un bon équilibre entre ça fait rêver et c'est crédible, tu vois. Mais là, si c'est juste c'est un gars mal. Qui dit j'ai besoin d'argent, ils vont dire non. Là, le côté astronaute, ça fait rêver, quoi. Oui, mais Michel Sardou qui dit je dois divorcer, c'est pas mal aussi. Genre, franchement, c'est pas mal. Mais c'est pour ça, il faut. Toutes les économies de notre fan sont dépensées, aveuglées par l'amour qu'elle a pour la star. C'est à ce moment-là qu'elle se rend compte qu'elle vient d'envoyer la totalité de ses économies à quelqu'un qui n'est pas Michel Sardou. Sans blague. Parce que quand tu mets le rib, il y a un nom qui n'est pas Michel Sardou. Ça veut dire que la totalité de ses économies, c'est 5000 euros. Bah ouais, plus, ouais, vraiment ouais. Quelqu'un qui. Fait assez rare pour être souligné. La victime avait déjà failli être arnaquée il y a quelques années par un faux Patrick Bruel. Non, non mais attends. Mais elle s'était rendue compte que c'était un faux. Par contre, Sardou, elle a approuvé. Ah, ouais, elle a foncé tête bêche. Là, mais ça se trouve, il y a des. Ça se trouve, c'est le même gars déjà. Je pense. Ou alors, il y a des réseaux d'arnaqueurs qui disent bah attends, moi j'ai failli l'avoir un Patrick Bruel. À mon avis, c'était Sardou, c'est bon. Ouais, alors, elle lui a je dit, te donne le tuyau. De toute façon, j'en ai rien à foutre de Patrick Bruel. À la limite, si vous aviez été Michel Sardou. Ok, ouais. C'est bon. Allez, hop là. Pas tomber dans l'oreille d'un sourd. Sors le clavier. J'ai encore une petite question pour vous, ensuite on passera aux recommandations. Bien sûr. Elon Musk. Aïe aïe aïe. Riche. Beaucoup d'argent, ouais. Un sacré personnage, si vous voulez, mon avis. Il est fantasque. Sortir... Milliardaire fantasque, moi je l'appelle. C'est ça. Hein. Va sortir son propre parfum. À votre avis, quelle en est la sorte de sa sueur, j'imagine. Alors, non, mais on ça, est dans du dégueu. Son pipi, son sperme. Pas son sperme. Sa morve. Pas sa morve. Attends, c'est lui, un truc à lui. C'est pas un truc à lui. Et voilà. L'odeur de la chatte de sa femme. Non, oh non, mais j'aime ton idée. J'aime ton Cyprine. Ouais, non, pas de, ça. De manière générale, non. Non, non. Okay. Non, ça c'est Gwyneth Paltrow, je le rappelle, qui oui, faisait des bougies à l'odeur de Schneck. Mais pas que, après, c'était un mélange. Mais tu sais que ça marche très bien. Il paraît que c'est vraiment bien. Après, les bougies parfumées ne sentent jamais le truc. Ça ne sent jamais comme le truc que c'est censé sentir, généralement. C'est vrai. J'ai des bougies genre col d'écolier, machin, ça ne sent pas du tout ça. Col d'écolier. Col d'écolier. Le col de non, de la colle, bande de cons. Vous l'avez tous les trois. D'accord, mais oui, j'avais tout pas si j'avais compris le col. Cyniche, si précis. Bah ouais, et puis ça a une odeur. Cela dit, j'ai vu une bougie, ça m'a dégoûté pour moi, c'est Hannibal Lecter, une bougie. Peau de bébé et oh. Pas, ouais. Pas non, non, non, non, non. La peau. Non, la peau. attendez, parce que immonde. Les bébés ils sentent vraiment non, bon. Ça, si, c'est... si, non, si, mais... si, si. Les... Merci. Bien sûr que non, c'est un cliché. C'est faux. Le les dessous, bébés dessous ils sentent le Sanex quoi. Le sentent... Alors... Oui, c'est exactement ça. Attention. Pourquoi ils sentent bon? Parce qu'ils sont dégueulasses et qu'on est obligé de les laver. Alors, tout le temps. Voilà. Attention, attention. C'est tout. C'est tout à fait vrai. Voilà. Non, non, mais c'est l'odeur de leur savon qui sent bon. C'est vrai. Mais là où je. Sentez le pli. les plis de peau là. Non, ça sent rien du tout. Mais un bébé ne transpire pas déjà. Mais c'est de la pure crasse. Mais pas du tout. Non, mais tu vois, c'est ton problème. J'allais dans ton sens. Et t'en fais trop. J'ai eu des témoignages de parents qui disaient. Mais de parents dégueulasses. Non. Moi qui suis très propre. Bah oui. Je l'ai lu. Je suis déjà venu ici quand Clara n'était pas là. Oh bah oui. J'ai vu l'hygiène. Quand t'allumes 12 bâtons d'encens parce que tu. Mais j'adore juste l'odeur. Tu pues, c'est pour ça. C'est incroyable. Non, les bébés, je suis d'accord, sentent aussi beaucoup la merde parce qu'ils ont une couche qui est jonchée de pipi et de caca. Mais le dessus de tête, effectivement, grâce au Sanex et grâce au truc, c'est vrai que c'est une odeur qui est extraordinaire. Ça reste. J'entends tout ça. Toutefois. Non, parce que si tu te fous du Sanex sur toi, tu vas pas sentir pareil. Exactement. Il y a une réaction chimique. Ah, non. Bah, je t'assure que non. Déjà, c'est vrai parce que t'as un crâne de bébé. J'ai une sublime odeur déjà au naturel. J'ai pas besoin du Sanex comme vos gosses qui chient plus le monde là. Mais j'entends tous vos arguments. Mais une bougie odeur peau de bébé, ça me dégoûte. Voilà. Ah, mais ça, je suis d'accord. Il y a plein de choses. Il y a des bougies parfumées au bacon. Il y avait même Choupa Choups qui avait sorti des bougies odeur Choupa Choups. Je pense des trucs qui filent d'ailleurs des maladies. Hein. Je pense que quand oui, tu prends ça, franchement, oui. Pire que le sperme, je pense. Et donc, un parfum, Elon Musk. Et il a sorti un parfum. Ah oui, donc il faut qu'on trouve. Donc ouais. C'est un truc dégueu. Un truc du corps humain. Oui. Ah. L'odeur de pied. Pas une odeur de pied. La bile. Pas de. De la bile du Big Deal. Oui, bien sûr. Non, pas de la bile. Du vomi, ben pas non. Du vomi. Alors, c'est crade, mais. Cérumen. Pas cérumen. Larme. C'est ce que. Oui, je l'ai dit tout à l'heure, larme, je crois. Larme des rageux. Non, ce n'est pas une. De la salive. De l'argent. Pas de l'argent. Non. Eh ben non, c'est vraiment corps humain. Corporel, ouais. Ouais. Le flacon est vendu 100$. Les aisselles. Pas les aisselles. Mais c'est pas la sueur. Il peut y en avoir. Salive. Non. Les poils, un cheveu. Oh ouais. Quoi. Alors, tu es presque. Poils cramés. Exactement. Les poils et les cheveux brûlés. C'est la pire odeur. Elon Musk a annoncé. Pourquoi quelqu'un voudrait sentir des choses pareilles? Mais alors justement, vous allez comprendre. C'est Elon Musk, c'est un fantasque. Ce mercredi, Elon Musk a annoncé la création d'un parfum à la senteur particulière. Le produit est baptisé Burnt Hair. Il fait chaud. Soit en français, poils brûlés ou cheveux brûlés. Le flacon est vendu sur le site The Boring Company, donc déjà une société une société de construction de tunnels fondée par l'excentrique milliardaire. Et pour s'offrir ce parfum décrit comme le meilleur sur Terre et comme l'essence du désir répugnant, il faut mettre la main au portefeuille. Le flacon est vendu 100€, comme je vous disais. Mais visiblement, la promesse de sentir les poils brûlés attire les acheteurs. Quelques heures après l'annonce, 10 000 produits s'étaient déjà écoulés. J'ai hâte que les médias publient demain des articles sur la vente d'un million de dollars de Burnt Hair, a tweeté avec amusement Elon Musk. Moi, je pense que c'est du. Voilà, cette espèce de petit troll de dire je peux vendre commercialiser n'importe quoi. Ouais. Et malheureusement, des gens le font. Des gens l'achètent. Oui, cette mais chasse. Je. Non. Toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, mais évidemment qu'on sait que ça va marcher. Il y a des milliards de gars qui idolâtrent comme des gros cons. Mais... C'est ça. C'était vraiment le truc du collège. Moi, je faisais ça, genre, ça sent le cochon grillé. Tu sais, tu brûlais tes poils au collège. C'est comme les gens qui sont hyper désagréables ou hyper arrogants et on dit ouais, mais ils l'assument. Bah, mais ça reste un gros con. Hein. Malgré tout, je m'en fous qu'ils l'assument en fait. Quand tu le sais, en fait, quand tu le sais, tu sens que c'est un mec. Au fond, c'est un mec bien. Oui, bah, sur le papier, mais là, quand je le vois, c'est une merde. Et vous savez ce qu'il a balancé aussi récemment, Elon Musk? Non. Tu l'as peut-être vu. Ils en ont parlé dans Click. Attends, parce que c'est très vague comme question qu'il a balancé. Non, dans Click, il a sorti un nouveau truc. Non, dans Click, ils en ont parlé. Passé dans Click, j'ai fait genre attends. J'ai vu ils ont eu sa mère, cela dit. Ils ont eu la mère d'Elon Musk. C'est vrai. Qui a écrit un bouquin récemment. Ah oui. Ouais. Et alors attends, il a sorti. Il quelque s'appelle chose, Mon fils a le visage gonflé. Mon fils s'est fait piquer par des guêpes. Il a sorti un produit. Un produit. De la tech, c'est de la tech. C'est de la tech pure. C'est pas le lance-flamme là. C'est pas un lance-flamme, mais toi qui es féru d'IA, ça peut te régaler. Ah. Un robot. Tout simplement un robot. Ah mais oui. S'appelle Optimus. Oui. Pourquoi il est pas chez moi alors on parle de ce robot. Alors en fait, pour vous dire, il y a des spécialistes de robotique qui sont un peu inspirés, qui ont regardé. En gros, je sais pas comment ça s'appelle, mais comme les trucs d'Apple là où ils testent des produits devant tout le monde, une sorte de keynote. Et il a présenté son robot en disant que c'est un prototype de robot humanoïde développé. Ah mais c'était quelqu'un qui dansait, c'était quelqu'un avec un costume, sa keynote. C'était un vrai robot. Ah bah il a fait, je crois, une keynote où il a dit regardez, robot Android, et c'était vraiment quelqu'un dans un costume. Quoi. Ah ouais, non, là c'est un vrai robot. Là c'est un vrai. Et ça va être commercialisé dans 2 ans, je crois. Il est un peu drôle quand même. Un peu marrant quand même. Bah, c'est comme sa voiture à la con là. Ah oui, il avait voulu péter. Il dit regardez, elle est imbrisable. Et il jette une brique sur la vitre et il y a immédiatement une fissure. Ouais. Vraiment, la vitre fait péter. Ah mince. Et elles étaient moches en plus, ces bagnoles. Mais là, c'est ces robots, et en gros, il y a des. Ils proposent des robots à 20 000 euros. Seulement entre guillemets. Bah, c'est vrai que c'est pas cher. Pour un robot, énormément d'argent, mais c'est. Mais pour un robot, ça dépend ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ce robot? Bah, justement, il fait des gestes pour le moment assez simples. C'est-à-dire qu'il arrose les plantes, il porte des boîtes et il soulève des trucs lourds. C'est bon pour moi. Mais justement, des spécialistes en robotique. Arroser les plantes, c'est. Des spécialistes. Oui, un jet d'eau, hein. Également, un arroseur automatique. Ça se voit que t'arroses les plantes. Au final, Porter une boîte. Bah, tu peux le faire. Le truc, c'est d'avoir un robot qui le fait à ta place. Non, mais là, c'est justement un arroseur automatique, c'est aussi un peu un robot. S'il peut faire un déménagement à ta place, oui, c'est cool. Mais juste transporter un carton. Donc, un arroseur automatique, ça veut dire tu relis le truc à l'arrivée d'eau chez toi? Non, à ton téléphone. Ah oui, oui, à l'arrivée chez toi, c'est des travaux, c'est pas du tout marrant en plus, putain. La fantaisie, ça veut dire quelque chose. Commence par ça. C'est pas des robots, c'est la seule et unique raison. Mais c'est non que, voilà. Un arroseur automatique, ça veut dire que soit c'est un réservoir que tu dois remplir, donc autant effectivement arroser les plantes toi-même, soit faut le relier à l'arrivée d'eau et c'est des travaux, c'est ultra chiant. Bah oui, non, mais. Bah non, mais ça rend fou. Ne lancez pas. Ne lancez pas sur le voyageur, c'est américain, bordel. Ça l'a rendu IA, dingue. Une IA qui arrose mes plantes, c'est tout ce que je veux. En tout cas, des spécialistes en robotique qui ont vu le robot ont dit que ce robot avait 20 ans de retard. Qu'en fait, il est tout pourri, ce robot. Bah, il a l'air nul, effectivement. En même temps, oui. Il fait des gestes vraiment tout pourris, alors que Boston Dynamics, clairement, par exemple, ils disent bon, bah voilà. Là, pour le coup, il y en a qui font des saltos et tout. Ouais. Non, mais là, la dernière vidéo de Boston Dynamics, justement, c'est le robot qui danse. Vous l'avez vu ou pas? Non. Bah, incroyable. Comment il danse vraiment. J'étais très jaloux de Domingo, déjà parce que bon bah t'y vas, tu me fais des infidélités avec Domingo et ça me brise le cœur bien sûr. Mais il a reçu un robot de Boston Dynamics. Moi j'étais deg de pas être là le j'ai jour. Trouvé ça fou. Parce que moi je suis fou. Et c'est trop marrant parce qu'ils étaient un peu tentés de faire les trucs qu'on avait sur moi, à savoir leur mettre des coups de pied. Ouais. Mais là quand même le mec qui avait ramené le robot il a dit non mais ça évitez de mettre des coups de pied au robot quand même tu vois. Genre. Moi, ça m'aurait fait rire de faire flipper le mec, de faire croire que j'allais faire des trucs. Non, mais si je jette mon verre d'eau sur le. Mollo là quand même. C'est bientôt la fin de l'émission, malheureusement, mais j'ai quand même une question pour vous trois. En tout cas, on a bien ri. On a bien rigolé. Avez-vous des recommandations culturelles, à savoir des choses que vous avez aimées, que ce soit du cinéma, de la télévision, du théâtre, des jeux vidéo, des BD, des petites applis. On va commencer par Toku. Est-ce que tu as quelque chose à conseiller à nos chers auditeurs? Récemment, moi, j'ai regardé Gagarine. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah, super film. Super bien. Bah, ça, je le conseille. Est-ce que tu peux le pitcher? Bah, en gros, c'est un petit gars de cité qui veut refaire sa cité parce qu'on va la détruire. Et du coup, il essaye de faire des rénovations et tout. Et ça se passe un peu. Enfin, ça parle un peu de ça pendant tout le truc. Et c'est un super beau film, hyper bienveillant. Je vous conseille ce film. C'est réalisé par Fanny Liattard et Jérémy Trouille. Et le casting est fou. Alcéni... C'est français donc. Oui, c'est français. Alcéni Batili, Lina Koudry, évidemment, qu'on voit maintenant partout, qui est dans Novembre, entre autres. Finnegan Oldfield aussi, qui est très fort. Enfin, il y a Denis Lavant qui fait un guest aussi. Oui, moi, j'ai eu la chance de le voir au cinéma. Je crois qu'il est sur Canal en ce moment, ou OCS, quelque chose comme ça. Je crois, ouais. Et effectivement, super il est film. Très beau, qui est beau. Il y a que des acteurs de fou. La réal est incroyable. Ouais. Et ben, je me joins à toi. J'ai trouvé ce film. C'est un de mes films préférés de l'an dernier, moi, qui est sorti. Je l'ai trouvé vraiment exceptionnel. Je le vois, ça même. Il est vraiment bien. Et un très, très beau film. Les gens qui n'ont pas aimé. Athéna disent que c'est la version réussie en fait. Non, mais en tout cas, c'est une façon très poétique de parler cité, banlieue, et de quand même parler de certains problèmes, mais effectivement d'un prisme assez joli quoi. Bah, sans caricature, sans préjugés à la con. Et le film s'appelle Gagarine parce que voilà, il y a tout un truc en rapport avec l'espace et tout. Donc c'est, oui, non, c'est je super. Me demandais quel était le rapport. Bah, l'espace. Léopold, est-ce que vous avez déjà parlé. Ça m'a fait rire. Est-ce que vous avez déjà parlé de It Takes Two? Peut-être un peu. Mais vas-y, tu peux en parler. Je peux en parler. C'est jouer avec ta meuf. Oui. Ah, c'est un jeu. Alors c'est la première fois que je vois ça. Je sais pas si ça existait avant, mais c'est un jeu qui se joue uniquement à deux. Et donc on passe de très bons moments avec ma copine justement. Et en gros, tu incarnes. Donc moi, j'incarne une poupée, un papa. Et elle incarne la maman. Et en gros. Quoi ? Non, l'idée, c'est pas de baiser. Hein, En fait, on est peut-être t'aurais dû mettre le contexte avant. C'est l'histoire. On est un couple qui s'apprête à se séparer. Et d'un coup, depuis très longtemps, la petite fille est donc triste que les parents se séparent. Et donc, elle se met à pleurer sur les poupées qu'elle a créées et qui représentent son père et sa mère. Et quand les larmes touchent les poupées, en fait, nos corps. le corps des parents ouais, de, oui, des deux oui, personnages oui. Se rentre dans les poupées en fait, donc on incarne les poupées et donc on se fait projeter je me rappelle plus, putain, c'est hyper précis. Non, mais en plus, c'est très flou parce que tu dis à la fois nous pour parler des personnages. Enfin, c'est très. Ouais, mais c'est très mal raconté si je peux me permettre. C'est hyper dur. Attends, grosso modo, tu te regardes en petite figurine. D'accord. Ok, et en gros, il faut retrouver ta forme humaine, quoi. D'accord. Et donc, du coup, t'es dans la maison, dans le jardin, tu te balades dans des univers. Il raconte. Ta propre recours. Attends, en gros, et l'idée c'est que tu dois retrouver, tu dois faire pleurer ta fille, donc tu dois la retrouver pour la faire pleurer pour qu'elle annule le sort, qu'elle retrouve leur corps quoi. Mais c'est un peu glauque ça. Donc attends, non, mais c'est très mignon. C'est très mignon. Le but est de faire pleurer une enfant quand même. Oui, c'est ça, c'est un peu. Non, mais il y a une ambiance un peu Tim Burton, tu vois, tous ces trucs là, films de marionnettes et tout. Non, la DA est super. C'est incroyable. C'est quoi, il y a des aventures. Oui, c'est ça, parce qu'ils ont pas dit le but du jeu. Non, mais en gros, le principe du jeu c'est que. C'est une série d'énigmes qui ne peuvent se résoudre que par collaboration des deux. D'accord, ok. Et en gros, c'est un peu pour dire les parents, est-ce qu'ils se remettent ensemble parce qu'ils sont obligés. C'est des parents qui allaient se séparer et là, ils sont obligés de collaborer pour avancer, tu vois. Donc, d'accord. Un truc un peu... Et donc, vu que t'es en poupée, le monde est énorme pour toi. Donc, tu traverses le jardin, tu traverses les jouets de la fille. Donc, il y a un monde pirate. Enfin, il y a des milliards de zones. Et je trouve que, en fait, le gameplay change à chaque fois que tu changes de zone. Donc, c'est. Non, c'est un super jeu. Il paraît que il paraît que y a une à jouer, toi. Ouais, moi j'y ai joué un peu premier confinement, je crois, ou un truc comme ça. Mais il y a un super truc aussi de difficulté, c'est-à-dire que par exemple, moi je joue un peu plus que ma compagne aux jeux vidéo, et quand même, c'est pas relou quoi. Il y a pas ce truc de allez là, putain, passe ce putain de truc. C'est-à-dire que je trouve que c'est plutôt bien adapté et que en fait les tâches. Certaines sont plus difficiles que d'autres, mais c'est bien réparti et c'est assez cool. Oui, quoi. En fait, ça repose plus sur la coordination, la collaboration que juste de savoir faire. Ou des de trouver qu'est-ce qu'il faut activer dans le niveau et donc du coup les deux peuvent un peu jouer en même temps. Enfin, c'est vachement bien fait. Vous expliquez bien mieux que moi. Oui, ça c'est. Ah, il y a pas photo. Hein. On n'était pas couchés là. Juste parler aussi, j'ai vu récemment L'Innocent de Louis Garrel. Oui, alors qui est sorti en même temps que Jack Mimoune. Donc oui, déjà aller voir Jack Mimoune, bien sûr. C'est vrai. Non, mais si, parce que c'est numéro quoi aussi. C'est numéro quoi aussi. Donc n'inquiète pas. Mais aller voir Jack Mimoune déjà pour rigoler. Ou payer une bonne tranche. Voilà. Et si vous avez une carte illimitée, il y a peut-être d'autres films à aller voir après. En évidemment. Second temps, évidemment. Comme par exemple. Donc L'Innocent, c'est un film de Louis Garrel qui est sorti mercredi dernier. Et j'avais vu la bande-annonce et je me suis dit, oh, c'est cool, ça a l'air sympa. Et généralement, ce genre de film, quand je vois la bande-annonce, je me dis ça, mais j'y vais pas. Parce que bon, ça me branche pas plus que ça. Et là, je me suis forcé à y aller et j'ai passé un excellent moment. C'est un super film. J'ai trouvé ça a l'air marrant, vraiment super et c'est très très drôle. Je savais pas que Louis Garrel pouvait être aussi fort en fait, Louis dans ce registre-là. Louis Garrel est un génie de la comédie. Vraiment. Genre vraiment. Il y a plein de films, genre dans Mon Roi, dans l'autre film de ADN, de Mai Wen, et dans ses propres films. Il a un timing comique. Vraiment, très, très vraiment. Très très drôle quoi, il a des trucs de rupture de jeu et tout et non c'est un gars très très marrant Louis Garrel. Et même la musique est géniale, enfin vraiment j'ai adoré ce film donc foncez. Louis Garrel et moi je trouve que dans le film tout le monde est assez ouf. Ouais. La mère est superbe. La mère elle est incroyable. C'est pas Anne Pario, c'est Anne je vais regarder sur Google. Mais il y a aussi Anouk Grimbert Anouk Grimbert et il y a Noémie Merlant qui était dans le portrait de la jeune fille en feu et pareil que moi je j'avais pas vu de comédie avec elle et elle est très très drôle dans le film quoi. Mais Louis Garrel il a vraiment un truc à la Peter Sellers de mec pas au bon endroit avec sa tête un peu de droopy et tout et franchement le film est très très très très drôle quoi. Ouais, vraiment. Donc, mais pas que, il est assez émouvant en vrai au final. Je trouve qu'il y a des scènes assez émouvantes et puis il y a un moment, c'est pas spoilé, mais il y a des petits trucs de braquage et tout puisqu'en gros Anouk Grimbert joue une meuf, une gardienne de prison qui tombe amoureux d'un mec qui sort de tôle, donc il y a toujours une petite suspicion du fils, etc. sur mais en fait c'est un criminel, est-ce qu'il va pas replonger, etc. Et bref, il y a aussi des moments de tension quoi. Bref, c'est vraiment un film assez complet. Okay. Donc bon, si vous voulez rigoler, allez plutôt voir Jack Mimoune et les secrets de la Garde. Oui, mais non, ça c'est pas obligé de le dire. Non, je déconne évidemment. Non. Ça va. alors je prends le relais parce que je conseille également L'Innocent, mais je tenais aussi à vous conseiller un livre qui est sorti chez Capricci. Les éditions Capricci qui sont toujours géniales parce que c'est des bouquins sur le cinéma. C'est eux par exemple qui ont édité en France le Seeking the de Judd Apatow, mais héros comique en français. Et ils ont adapté. Ah, c'est des beaux bouquins ça. C'est vraiment parce qu'en plus ils ont un truc de DA où les bouquins avec sont les portraits peu... des gens, exactement. Ouais. Ils ont fait ça aussi exactement. Et ils ont sorti un bouquin qui s'appelle Les Aventures d'un scénariste à Hollywood de William Goldman. Alors c'est marrant parce que la semaine dernière j'avais parlé d'un recueil, enfin une espèce de mémoire d'un monteur. Et là, c'est les mémoires d'un scénariste. Et c'est chapitré de la même manière. C'est un chapitre, un film. Sachant que c'est pas un nobody, William Goldman, puisque c'est le scénariste de films tels que Les Hommes du Président, Misery, Princess Bride, Les Pleins Pouvoirs de Clint Eastwood. Enfin bref, il a fait pas mal de films. Et il revient sur chacun de ses films, sur ses expériences. Et c'est super intéressant parce que le métier de scénariste. C'est marrant parce que des fois avec Adrien, nous on reçoit des DM de gens qui veulent savoir comment on peut devenir scénariste, machin tout. Bah, y a pas mieux que demander à des gens qui ont des Oscars plutôt qu'à nous. Et par exemple, pour vous résumer, à un moment peut-être il moins accessible les gens qui ont eu des Oscars. Non, mais justement lui il écrit un bouquin, donc. Oui, voilà. Mais nous, est-ce qu'on répond aux DM, Adrien? On n'est pas très accessible non plus. Et bref, et lui il raconte sur chacun de ses films, et par exemple sur Les Hommes du Président, qui est le film qui lui a rapporté un Oscar, il dit que c'était, si c'était à refaire, il ne referait pas ce film. Ah oui, d'accord. Tellement ça a été une expérience difficile de scénariste. Ah ouais. Okay. Et il revient vraiment sincèrement sur chaque film de sa carrière. Il a écrit aussi sur le film de Carpenter, Mémoire d'un homme invisible avec Chevy Chase, et en gros il raconte ce que c'est d'être entre un réalisateur et une star de cinéma, et ils veulent pas faire le même film, et il dit je comprends tout de suite le problème parce que lui il veut faire ci et lui il veut faire ça. Et en fait, à mon petit niveau, moi ça fait 10 ans que je fais ce métier, je me suis retrouvé dans plein d'endroits, dans plein de trucs de putain, mais moi aussi ça m'est arrivé de voir un réal qui veut pas faire la même chose que l'acteur, ou de voir un producteur qui sait pas exactement ce qu'il veut faire. Et lui il raconte aussi une période où il a eu une grande traversée du désert, donc il a été obligé de bosser sur des films qui se sont pas faits. Bref, ça a l'air super intéressant, c'est comme super cool. Redis le titre. Les aventures d'un scénariste à Hollywood. D'accord. De William Goldman. Bah, tu m'as influencé, je vais l'acheter. Bah franchement, il est trop cool. S'il existe en livre audio, sinon je le lirai jamais. Oh. Mais le chapitre ouvre un peu ton esprit. Ouais. Si c'est une IA qui l'écrit. Je crois que tu l'as ouvert pour les pains au chocolat, c'est, je peux faire un effort. Voilà. Non, et comme je disais d'ailleurs sur le bouquin du monteur, vous pouvez commencer en plus par les films que vous avez vus. Enfin, c'est vachement cool, t'es pas obligé de le prendre vraiment dans l'ordre, ouais, comme bouquin. Bien sûr. Moi j'ai commencé par Misery, Princess Bride, machin. Princess Bride en plus c'est super parce qu'à la base c'est une histoire qui est racontée à ses enfants. Bon, bref, il y a plein de super histoires, c'est un super bouquin, en plus il y a des bonnes blagues dedans. Donc voilà, je vous conseille Les Aventures d'un scénariste à Hollywood. Et nous allons terminer avec Adrien Méniel, oui, ta petite recommandation. Oui, une petite reco. Alors, c'est un groupe que j'ai découvert par hasard via une reco Spotify. Ok. Donc, je sais pas si c'est connu. Vachement ou bien pas Spotify, du tout. Léopold, tu trouves pas comme site? J'en raffole. J'adore. Non, un groupe qui s'appelle Grand Soleil. Ok. C'est de l'électro. Tu connais, toi, bien sûr. Comment ça? Non, je sais pas. Village Chouette. Parce que je suis un bobo parisien, ça. Oui, c'est ça. C'est exactement pour ça que je. Bah oui, je connais, voilà. Non, pas tu du connais tout. Pour toi. Non. Non, je suis tombé dessus, je trouvais ça chouette. Voilà, j'ai. Village Chouette. Village Chouette, absolument. Non, et voilà, j'ai pas. C'est de l'électro, c'est cool. Parce qu'il parle un peu comme ça. Il n'y a pas de parole du tout. Minuit 10 à Paris, j'ai envie d'un kebab. Non, pas du tout. Ça ressemble pas à ça. Non, non, c'est pas du tout. Tu l'as vraiment bien fait. Ce n'est pas 90% des groupes actuellement. Non, non, okay. Non, il y a zéro parole, et tant mieux. Très bien. Ah si, je crois qu'ils ont fait un album où il y a des paroles, mais le dernier, il n'y a pas de parole du tout. Ouais. Et c'est voilà. Donc, c'est ma découverte. Tu te rocosiques, c'est vrai que c'est pas souvent que tu nous fais des rocosiques. Ma dernière rocosic, c'était Benjamin Epps, que j'ai vu à l'Élysée Montmartre, du coup, et c'était très bien aussi. C'est cool. Voilà. Ouais, très bien, c'est très bien. Sublime. Bon, bah écoutez, merci beaucoup. Mais d'être merci venu. À toi, merci à vous. On vous retrouve dans le monde de la culture, sur internet, bien tout bien ça, sûr. On peut exactement. Vous retrouver ici. Oui, on peut. Alors, moi je vais te dire quand même, parce que c'est vraiment mon actu que j'oublie depuis la tournée, de dire ouais, c'est la série Darknet sur mer. Ah, mais oui, putain, excuse-moi. Oui. Non, mais c'est moi qui oublie de le dire. Ouais. Mais sur Prime Video, Darknet sur mer, j'ai un petit rôle, mais un rôle marrant. Ouais. Donc voilà, regardez Darknet sur mer. On regardera. Bon, là, du coup, j'en mets une couche aussi. Jack Mimoune au cinéma. On l'a dit 2-3 fois dans l'émission. On était toute l'émission, je crois que c'était que tourné sur ça. C'est la seule raison pour laquelle. Voilà. Et si, j'en profite également. Le spectacle de Baptiste Le Caplain, que j'ai coécrit également, et qui est joué du mercredi au samedi au Théâtre de la Renaissance. Bye, pendant que je parle, Adrien. Personne ne l'aurait su. Personne ne l'aurait su. L'entendre. Pas du tout. Oui, donc le spectacle de Baptiste Le Caplain au Théâtre de la Renaissance à 19h du mercredi au samedi. Et n'hésitez pas à y aller. Parce qu'à Paris, c'est ces dates-là en ce moment, et c'est un grand théâtre, et on vous attend, voilà, on a hâte que vous veniez voir. Ça marche déjà très bien, mais il reste encore quelques places, donc n'hésitez pas. Yes, voilà. Moi, j'ai mis une salopette sur Vinted, ça fait 2 semaines qu'elle part pas, donc si jamais vous pouvez jeter un petit coup d'œil. Qu'est-ce qu'on peut mettre sur Vinted pour la trouver? Alors, salopette APC. Tu peux la passer très cher. Bien sûr. Quelle salopette APC sur Vinted, voilà. Voilà, exactement. Bon, merci tout le monde, salut. Ciao. Bye. Il s'agissait du flow de cast. Pardon.